pasar. Y no va a sanar, déjame pasar. Que mi madre enferma me mandó llamar. Río Manzanares, déjame pasar. Bon, pourquoi ces quelques mots? Parce que, vous le savez, il y a plusieurs camarades de la direction du parti de gauche qui sont rendus au Venezuela ces derniers temps. Et donc, il y avait une délégation, je vais en dire quelques mots. Et puis aussi vous dire quelques mots sur pourquoi ce soutien, même si j'ai bien compris que dans la salle, il y a des militants, des gens qui n'ont pas à se voir confirmer pour quelle raison nous sommes là, mais peut-être continuer à échanger des arguments. Si j'ai bien compris ce que m'a dit Claudio, Christian et différents camarades, il y aura aussi François Delapierre, Corinne, Morel Darleux. Tout à l'heure, je crois que Jean-Luc Mélenchon sera là. Bon, il y aura, bien sûr, on va continuer de faire de cette soirée un mélange festif et un mélange politique. Alors, première chose, moi je voudrais réaffirmer le fait, permettez-moi en disant ces quelques mots, de pas seulement m'adresser aux gens qui sont dans la salle, mais à ceux qui ces derniers temps, vous l'avez vu, on multipliait dans nombre d'articles de presse, des articles au mieux persifleurs et en vérité souvent calomniateurs de pourquoi, mais qu'est-ce que c'est que cette idée de s'intéresser à l'Amérique latine. Moi je veux réinsister sur le fait, pour ceux qui l'auraient oublié, que quand on est un Français de gauche, s'intéresser à l'Amérique latine est d'une grande banalité, d'une très grande banalité. Les plus anciens savent que depuis au moins dans les années 70, l'Amérique latine a passionné la gauche française. Je rappelais à un journaliste que le premier déplacement que fait François Mitterrand, qui vient d'être élu premier secrétaire du Parti Socialiste en juin 71, il va au Chili rencontrer Salvador Allende. Et d'ailleurs la presse, après l'appel, le Allende français, etc., etc. Pour voir ce qui se passe en Amérique latine. Ensuite, pour ceux qui se souviennent, 79, le Nicaragua, la gauche française a discuté du Nicaragua pendant des mois, des années, s'est empaillée sur comment on appréciait les sandinistes, etc., le trotskisme français, il y a passé des congrès entiers, mais pas seulement. Je dis ça, et puis même pour les plus anciens, en 1911, le seul voyage qu'a fait le grand Jaurès, quand il est sorti de France, hormis quand il est allé en Algérie, qui était française, il est allé en Argentine. Je le dis parce qu'il y a encore le petit bouquin qu'on avait édité qui raconte ses discours de Jaurès en Argentine. Donc quand on est un militant de gauche français qui milite en France, on s'intéresse depuis toujours à ce qui se passe en Amérique latine. Parce que c'est un lieu d'expérience politique, de faits politiques, d'événements politiques, qui sont aussi en lien avec ce que nous essayons de faire ici. Et ces événements là-bas se nourrissent aussi de ce que nous faisons. Pour des raisons, là encore, sans revenir sur des choses qui ont été expliquées, notamment de quelle manière la Révolution française a eu une forte influence sur l'Amérique latine. Et les idées des Lumières ont fortement influencé les mouvements d'indépendance latino-américains, et particulièrement quand on parle, bien entendu, du Venezuela, la figure de Simon Bolivar, qui à ses côtés était entouré, vous le savez, de Francisco de Miranda, qui était, je répète des choses, mais c'est toujours bon de se le remémorer, un des généraux présents à la bataille de Valmy en 1792. Et lorsque je suis allé au Venezuela, j'ai discuté avec un journaliste qui, d'un seul coup, m'a fait une liste très longue de gens, de Français qui ont participé aux côtés de Bolivar à l'indépendance. Toute une liste de gens, je vais m'intéresser à ces gens que je connaissais pas, qui étaient, alors il y avait beaucoup de pirates et de corsaires qui étaient dans les Caraïbes, mais qui s'engagent aux côtés de pirates et corsaires français, qui vont s'engager manifestement aux côtés de Bolivar. Je ne savais pas tout ça, mais donc tout pour dire que Français, Latino-Américains, Vénézuéliens, ce lien existe depuis toujours. Donc quand nous nous intéressons à ce qui se passe là-bas, on n'est pas exotique ou baroque, on n'est pas frappé de je ne sais trop quelle lumière d'un seul coup, qui, après avoir lu je ne sais trop quel album de Tintin et Picaros, on se mettrait à dire il y a là-bas un personnage exotique. Non, on continue à faire ce que toujours on a fait. On veut comprendre quels sont les processus politiques qui se passent là-bas, quelle est cette autre gauche qui est en train d'émerger. Ça, c'est la deuxième partie de notre intérêt. Il y a là-bas des figures et des schémas politiques qui nous parlent. Que s'est-il passé? D'abord, c'est une leçon de choses pour ceux qui en doutaient du poids réel de la présence des États-Unis d'Amérique sur ce continent. Pour ceux qui parfois auraient une vision un petit peu naïve des choses, ne perdez jamais de vue combien ce continent a été saigné par des dictatures militaires aidées financièrement, politiquement par les États-Unis d'Amérique. Donc là, il y a une première leçon de choses, pardon, je revoyais ce matin, je n'oublierai jamais que Henry Kissinger a reçu le prix Nobel de la paix, alors qu'il est établi que lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères des États-Unis, il a aidé clairement le coup d'État au Chili. Donc cette affaire, et on peut continuer, est là. Et Je parlais aussi des liens, bien entendu, qui nous unissent avec l'Amérique latine. Comment ne pas se remémorer de quelle manière la France a joué une contribution, a apporté une contribution importante dans la solidarité quand nos camarades, notamment chiliens, ont subi le coup d'État de Pinochet. Et bon, voilà. Donc, ce lien existe. Alors, je disais ça parce que il faut s'intéresser à ce qui se passe là-bas. Des dictatures, puis après le FMI, qui impose des politiques d'austérité, de coupes dans les budgets, des conséquences extrêmement rudes, puis une social-démocratie qui arrive au pouvoir, on retrouve ce schéma dans beaucoup de pays, puis une social-démocratie qui s'effondre dans sa base sociale, et on voit émerger une autre gauche. Vous avez bien compris que par rapport à ce que nous construisons en France, il y a là des figures politiques qui nous intéressent. Bien entendu, on sait très bien que les conditions politiques du combat sont différentes là-bas, mais il faut s'intéresser donc à ce qui se passe en Amérique latine, et il faut s'intéresser aujourd'hui au Venezuela. Nous n'avons pas une particularité qui consisterait à dire on s'intéresse qu'au Venezuela et aux autres pays. Non, là encore, nous nous intéressons à tout ce qui se passe dans le continent latino-américain. À titre personnel, mais je ne suis pas le seul, lorsqu'il y avait les élections encore dernièrement présidentielles en Uruguay, on était présents aux côtés de Pepe Mujica, j'étais avec Raquel Garrido. On était les seuls Français d'ailleurs, les seuls Français à être présents, et les camarades uruguayens nous accueillaient avec plaisir. On a créé des relations. Moi, j'ai passé près de, et notamment Raquel Garrido aussi, près de 5 mois au Chili lors des élections présidentielles qui ont eu lieu. Et ainsi de suite. On s'intéresse au Brésil. Et j'ai Eduardo en face de moi. On travaille. Je veux dire, si on s'intéresse ce soir à la question vénézuélienne, c'est parce qu'il y a une importance particulière dans ce qui se passe aujourd'hui dans tous ces gouvernements de gauche en Amérique latine. Mais puis parce qu'il y a l'élection. Mais on va s'intéresser par la suite à ce qui se passe dans les autres pays. J'insiste sur ce point. Nous sommes internationalistes. Nous ne sommes pas des agents vénézuéliens, même si on a la plus grande sympathie pour le gouvernement vénézuélien actuel, on l'a bien compris. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'ensemble. Donc voilà, à travers, vous voyez bien, j'essaie de répondre à des arguments qui nous ont été dits dernièrement, et notamment des reproches qui nous ont été faits. Alors, une fois qu'on a dit ça, donc j'ai passé la semaine dernière avec mes camarades une semaine au Venezuela. Moi, c'était la première fois que j'y allais. Je commence à connaître un peu l'Amérique latine, mais c'est la première fois que j'allais au Venezuela. Ce qui m'a conforté, c'est de quelle manière, alors pardon d'être un peu sous la pression, là encore, de ceux qui attaquent le gouvernement de Chavez, mais c'est de quelle manière l'opposition existe et a des moyens conséquents pour s'exprimer. Quand on arrive de l'aéroport, il y a d'abord une égalité, au moins dans les affiches, entre Capriles et Chavez. Après, on voit qu'il y a une disposition géographique qui est assez frappante. Quand vous allez dans les quartiers bourgeois, qui sont un peu à hauteur de Caracas, il n'y a que du Capriles. Quand vous traversez des quartiers populaires, évidemment, il n'y a que du Chavez. Et puis, dans le milieu de la ville, il y a un mélange des deux. Mais l'opposition est très présente. Dans la rue, après, dans le centre de Caracas, vous avez sur l'avenue les puntos rojos, qui sont les points rouges des camarades qui diffusent, font de la musique, etc., passent toute la journée à diffuser des tracts. Mais de l'autre côté du boulevard, à quelques mètres, de là à ce mur, vous avez les partisans de Capriles, qui, eux, sont plutôt en jaune. Et tout ce petit monde fait campagne à quelques mètres sans qu'il y ait de violence, etc. Il y a une passion politique indiscutable. Mais il y a une campagne dans laquelle celui qui viendrait vous dire qu'il y aurait en permanence des violences sur les partisans des uns ou des autres, c'est une stupidité. Après, bien évidemment, dans beaucoup de quartiers, il y a une telle rage, notamment de la part des partisans de la droite qui n'acceptent pas et qui font quand même depuis 99 différentes initiatives de procès à l'illégitimité du gouvernement. Il y a effectivement bien souvent des affrontements qui peuvent avoir lieu et aussi un soutien dans les milieux populaires, des avancées sociales. Bon, je ne mets pas en doute le fait qu'il peut y avoir quelques frictions ici ou là, mais parce que c'est une campagne intense. Mais l'opposition peut s'exprimer. Idem quand vous allumez la télévision. Majoritairement, les chaînes de télévision ne sont pas des chaînes liées au gouvernement actuel. Vous avez même majoritairement des chaînes privées qui sont défavorables au gouvernement de Chavez. Défavorables. Les choses sont extrêmement clivées, c'est un élément. C'est-à-dire que si vous allez sur Télésur, vous avez essentiellement les discours de Chavez et la campagne de Chavez. Vous allez sur les autres chaînes, on va vous parler que de Capriles et pas un mot sur Chavez. Là, il y a un clivage extrêmement fort qui est aussi le fruit, vous le savez, du fait que les médias ont joué un rôle actif lors de la tentative de coup d'État d'avril 2002, où la principale chaîne de télévision, les principales chaînes de télévision privées, ont appelé au coup d'État contre Chavez, ont soutenu le coup d'État, ont menti, etc., etc., à tel point que celle qui était une des chaînes les plus engagées là-dessus, sitôt que quelques mois plus tard, il y avait à renouveler le canal hertzien, le gouvernement de Chavez lui a supprimé le canal hertzien en disant « bon, ça va ». Et vous vous souvenez qu'il y avait une campagne en France disant que c'est scandaleux, Chavez étranglait la liberté d'expression. Non, seulement il ne renouvelait pas la concession à une chaîne de télévision qui avait été particulièrement engagée dans le fait qu'il y avait eu un coup d'État d'une fraction de l'armée soutenue par le patronat vénézuélien contre lui. Ce qui est quand même la moindre des choses. Imaginez qu'en France, il y a un coup d'État contre le président, que pendant quelques jours, donc, le président soit renversé, que je ne sais trop quelle chaîne, je vais citer TF1 par exemple, se soit engagé du côté du coup d'État. Vous pensez que son canal serait renouvelé? Bien évidemment, on est là dans quelque chose qui est, somme toute, assez banal. Bon, donc moi, le premier élément pour revenir au voyage, c'est de quelle manière il y a une opposition qui s'exprime et nos camarades qui sont aussi présents et il y a un débat politique. Évidemment, tout est très politisé. La force, me semble-t-il, de ce que fait Chavez, c'est qu'effectivement, il politise chacun des actes du gouvernement, de la vie, etc. Lorsque j'y étais, il vient de faire un programme de plusieurs dizaines de milliers de logements. Vous avez droit à un discours sur de Chavez, politique, sur de quelle manière ce programme a été réalisé, les difficultés qu'ils ont rencontrées, ce qui est prévu par la suite, etc. Idem, la veille de mon départ, vous avez le deuxième satellite vénézuélien qui a été envoyé, qui s'appelle Miranda. Vous avez eu droit à l'importance politique pour le Venezuela d'avoir ce satellite de communication, etc., etc. Et chaque fois, évidemment, le président fait un grand discours politique qui puise dans l'importance de la situation, l'histoire du pays. Moi, j'ai découvert un aspect que je ne savais pas, c'est que Chavez est militaire, bien entendu, de formation, mais était instructeur et notamment professeur d'histoire. C'est un prof d'histoire, Chavez. Alors, je suis moi aussi prof d'histoire, du coup, j'étais content. Mais de quelle manière, il y a beaucoup dans ses discours une histoire du Venezuela en permanence. Et c'est élément très présent. C'est un pédagogue politique. Et de ce point de vue-là, ça participe à l'élévation de conscience, de culture de ceux qui l'écoutent. C'est pas, quand on parle du charisme de Chavez, il y a derrière ce mot parfois une forme de condescendance. Il est d'abord un grand pédagogue de la politique qui instruit ceux qui vont à ses meetings. Les gens, s'ils écoutent longuement ce qu'il raconte, c'est qu'il y a une dimension, une grande fresque historique où l'histoire de leur pays leur est redonnée avec une perspective politique. Et ça, c'est un élément, dans un pays où, au point de départ, même si à la reculée, vous avez de l'analphabétisme, les gens n'ont pas accès à l'instruction, à la culture, comme dans un pays comme la France, ça participe à l'éducation politique. Mais ça, c'est éminemment positif, me semble-t-il, qu'on ait de la politique qui instruit, qui élève le niveau, qui donne envie aux gens de connaître, de lire, de se ressaisir de la dimension, de se saisir de son histoire, de se cultiver dans la politique, me semble important. C'est une bataille culturelle qui est menée. Alors, nous, ce à quoi on a participé, après je ne veux pas trop en dire pour que mes camarades aient des choses à raconter, c'est qu'on était dans un programme de conférences qui se continue. Lorsque je suis rentré, Martine Billard aussi y a participé, qui s'appelait Ultralibéralisme du Vieux Monde contre Socialisme du Nouveau Monde. Et l'intérêt de notre présence était que les camarades voulaient avoir des éléments sur ce qui se passait en France et particulièrement en Europe. Donc nous avons profité de notre présence pour leur raconter ce qui se passe en France. Je ne vais pas développer ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Nos critiques par rapport à la construction libérale de l'Europe? Pourquoi nous refusons l'austérité? On leur a beaucoup expliqué la dimension austéritaire de ce qui se passait en Europe, à savoir le mélange d'austérité et d'autoritarisme. Je continue? Oui? Ça va? Voilà. Et les camarades étaient très sensibles à ça. Bon, bien vu de quelle manière ce qui se passait, la raison pour laquelle ils voyaient des manifestations en Espagne, en Grèce, etc., était liée à cette politique de rigueur. Et les plus anciens se souvenaient qu'avant que Chavez arrive au pouvoir, ils ont déjà subi cette politique-là. Bon, donc voilà, je suis resté à Caracas, après je suis allé à Maracaibo, qui est l'autre grande province du Venezuela. J'ai découvert à cette occasion, c'est la deuxième province la plus riche du pays, là où il y a le plus grand lac d'Amérique latine, et en dessous duquel il y a le plus grand gisement de pétrole d'Amérique latine, et quasiment un des plus grands gisements de pétrole du monde. Le lac est saccagé écologiquement, parce que les entreprises américaines qui avaient produit du pétrole l'ont fait de manière absolument abjecte, donc il est quasiment mort d'un point de vue écologique aujourd'hui. L'entreprise PSAV vénézuélienne qui désormais s'occupe de l'exploitation essaye d'avoir une préoccupation écologique, mais le lac, d'après ce que j'ai compris, est dans un sale état. Ce qu'il y a eu d'intéressant dans ce voyage à Maracaibo, qui était très rapide, c'est de constater que c'est la deuxième province du pays qui est sous contrôle de l'opposition, comme la province de Caracas d'ailleurs. Autre exemple, à ceux qui disent que c'est un régime autoritaire, les deux principales provinces du pays sont encore entre les mains de l'opposition. Et notamment Maracaibo, qui en vérité c'est la province de Zulia, qui est une des plus riches du pays, est entre les mains de l'opposition. Quand vous arrivez de l'aéroport, vous avez des immenses panneaux du président de la province, qui est un président d'opposition. À ceux qui reprochent à Chavez d'être très présent, ce qui est vrai d'ailleurs, son affiche, ses photos sont partout, mais là, dans cette province-là, l'opposition est encore plus présente. Illustration à nouveau que le débat politique existe, bien entendu. Et dans cette province, si manifestement, ce qu'on m'a expliqué, l'opposition est encore présente, c'est que les entreprises américaines n'ont pas totalement perdu leur influence sur la vie politique locale et participent encore là-bas. Voilà. Alors, mes camarades raconteront tout ça. On en est où, là, dans l'enjeu de la soirée? Premièrement, pour ceux qui pensaient attendre les résultats ici, ce sera peut-être possible, mais il faudra attendre un moment. Je rappelle que nous avons 6h30 de décalage avec nos camarades vénézuéliens. C'est-à-dire que si on veut avoir les résultats et la fermeture des bureaux de vote, ce sera aux alentours de 4h du matin. Mais on peut rester ensemble et on aura sans doute des éléments. Ce qu'il faut que vous compreniez à ce stade, c'est qu'il n'y a pas d'institut de sondage très fiable, même de la part de nos camarades. Tous les sondages donnent évidemment Chavez gagnant, mais plus ou moins serré. Plus ou moins serré, selon l'institut de sondage. Et nos camarades nous disent en même temps, c'est un des problèmes, il n'y a pas d'institut statistique très très efficace et il n'y a aucun institut de sondage tout à fait fiable. Donc il y a quand même un enjeu déjà et une certaine tension ce soir, soyez donc conscients. Deuxièmement, l'enjeu est aussi l'écart du résultat. Il est clair que si nous souhaitons qu'il y ait une victoire la plus significative possible de la part de nos camarades, pas seulement parce que nous souhaitons qu'il y ait une victoire la plus importante, qui est un élément important, hein, moi j'apprécie le fait que là-bas les camarades ne se battent pas seulement pour avoir une majorité, mais pour avoir une réelle hégémonie politique sur le peuple pour le mobiliser. Hein, là aussi, je vous rappelle que, je cite de mémoire, les spécialistes me précisant si je dis des bêtises, que quand Chavez, la première élection en 1999, quand il est élu, je crois qu'il y a 10 millions de votants, 10 ou 11. La dernière fois, il y en a eu près de 16 millions. Et aujourd'hui, on a 19 millions. Et chaque fois, Chavez a augmenté en nombre de voix. À la fois parce qu'il y a des gens qui sont revenus vers le vote. Cette dimension-là est fondamentale. Quand vous promenez dans les rues de Caracas, il y a des points d'information sur comment on vote. Il y a une campagne civique extrêmement forte pour faire voter les gens. Hein, donc c'est pas... Moi, je m'amuse de voir de quelle manière les élections américaines sont montrées comme un exemple, alors que là-bas, il est acquis que 40 à 50% des gens, pas plus, vont aller voter. Et que la moitié de la population ne va plus voter. Ce qui est dans l'angle mort de tous les commentaires. Au Venezuela, il y a plus de gens qui vont voter. Et bien entendu, il y en a plus qui ont voté en plus pour Chavez. Et ça, c'est un élément déterminant et fondamental. Donc, c'est aussi pour quelle raison nos camarades politisent l'ensemble des questions pour que les gens viennent voter et se saisissent de cette affaire. Donc l'enjeu, c'est que, bien entendu, nos camarades gagnent, et gagnent de manière significative. Pourquoi ? Parce que nous avons encore une droite qui a un caractère factieux, pour dire les choses simplement, qui a annoncé qu'ils n'ont pas dit clairement qu'ils reconnaîtront les résultats. Et il est clair que si le résultat est serré, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une forte contestation, voire même le coup de poing et le coup de feu qui se passe dans les rues. Donc il faut une victoire à 55-45. Si c'est à du 52-48, à mon avis, il y aura de la bagarre. Les camarades nous le raconteront. Et si c'est encore plus serré, c'est évident que ce sera la porte ouverte à toutes les provocations. Donc on va regarder ça ce soir, de manière significative. Je voulais dire une dernière chose, mais je suis en train de perdre le fil de ce que je disais. Il faut que les camarades... Bon. Un dernier mot sur Capriles, puisque j'ai le micro, le candidat de l'opposition. Moi, j'ai fait quelques émissions à RMC France Culture, et quand j'ai dit c'est un candidat de droite, des gens me disaient « mais non, il n'est pas de droite ». Alors, effectivement, il ne se dit pas de droite. Mais je rappelle, pour ceux qui... Les spécialistes d'Amérique latine le savent peut-être, que ça fait à peu près 10 ans qu'en Amérique latine, plus personne ne se dit de droite. Hein. N'existe plus, parce que la droite a tellement saigné le continent que vous n'avez plus que des gens qui se disent de centre, centre-gauche, etc. Bon, ceci dit, il est le candidat. Premièrement, lui, il est issu d'un parti... Lui, premièrement, il est issu d'une des familles les plus riches du pays. Une famille des plus riches du pays qui possède un grand groupe de communication très investi dans le cinéma et aussi l'audiovisuel et aussi la presse. Hein, quand on vous dit que la presse est muselée, le candidat de l'opposition est le fils d'une des familles qui possède notamment nombre de titres de journaux, notamment Ultima Noticias et autres grands journaux que vous achetez dans la rue. Bon, ça vous donne déjà un état d'esprit sur soi-disant un pays où, là, vu que c'est le candidat. Bon, il est donc une famille des plus riches. Deuxièmement, lui-même, il est issu d'un parti... de droite, très clairement. Il est très catholique, je le dis par rapport au fait qu'il a été dit en France que quand Chavez s'en prend à lui, c'est parce que son grand-père est juif. C'est quand même une vision de l'esprit, comment dirais-je, là, qui est assez saisissante. Quand vous, les photos de Capriles, il est partout devant des vierges en train de prier, etc. Et il a même commencé à militer dans un groupe qui était proche de l'Opus Dei. Donc, s'en prendre à lui, enfin, considérer que quand on s'en prend à lui, c'est sur sa judéité, est une vision, là encore, non seulement calomnieuse, et puis pour dire les choses assez simplement, qui marche en France, mais en Amérique latine, qui n'est pas pertinente, où l'antisémitisme n'est pas une donnée forte telle qu'on l'a connue en Europe. Je veux dire, même les pires dictatures militaires qui ont assassiné nos camarades n'étaient pas antisémites, d'accord ? Ne perdez pas ça de vue. Donc c'est pas un élément présent du débat, même si, bien entendu, il peut y avoir d'antisémitisme en Amérique latine, mais quand nos camarades ont le verbe un peu dru contre Capriles en le traitant d'agent des États-Unis, ils le traitent d'agent des États-Unis. Ils ne font pas, comme le veut nous faire croire un journaliste du Monde, le lien que qui c'est qui dit que ceux qui sont vendus à l'argent, vous voyez ce que je veux dire, ou stupidité, qui au moins veut expliquer que finalement, si Chavez dit ça, c'est parce que c'est un antisémite. Tout ça participe donc à la calomnie. Donc Capriles, c'est un agent de la droite, soutenu par une large coalition qui s'appelle la MUD, M-U-D, qui est la Mesa de Unidad Democrática, qui est la table d'unité démocratique, qui est un rassemblement d'organisations de droite, plus une, la formation liée à la social-démocratie. Voilà, je voulais terminer sur ce point, en ayant fait tourner la montre, parce qu'il fallait un peu. Parmi les figures politiques qui nous intéressent dans ce pays, c'est non seulement les réalisations sociales du gouvernement actuel, bien entendu. J'en ai pas dit un mot, mais on en parlera tout à l'heure. Mettre au cœur de son action le recul de l'analphabétisme, la santé, l'éducation, le logement, bon sang. Il faut soutenir ça. Donc ça nous intéresse. C'est aussi parce que c'est une force qui a émergé sur la base de l'effondrement de la vieille scène politique, ça nous intéresse. Mais pour finir, aujourd'hui au Venezuela, le candidat de la droite est soutenu par l'international socialiste. On en est là. On en est là. Et notamment, je vois Madame René Frigosi qui, dans Le Monde, faisait une tribune qui était, vous avez vu, face à celle de Jean-Luc Mélenchon et Ignacio Ramonet, qui a fait la tournée des rédactions de France Culture, etc., qui est universitaire, mais cette dame est aussi rapportrice de l'international socialiste et une militante du Parti socialiste français. Ces gens-là, aujourd'hui, lors de leur dernier congrès, ont pris la décision et ont réaffirmé qu'au Venezuela, il vaut mieux soutenir un candidat de droite que soutenir l'action du gouvernement. Voilà, chacun en tirera les conclusions politiques, mais c'est un élément dont il faut tenir compte aujourd'hui dans le débat. Que leur rage à s'opposer à tous ceux qui veulent faire émerger une nouvelle issue politique les amène aux pires errements et même à soutenir donc la droite aujourd'hui au Venezuela. Pour toutes ces raisons et beaucoup d'autres, mais à partir de maintenant je vais me mettre à chanter comme fait le président Hugo Chavez, non, il est temps, on peut passer. Voilà, pour toutes ces raisons, camarades, et beaucoup d'autres, dans cette longue chaîne de la résistance aujourd'hui au plan d'austérité et à l'offensive ultralibérale, il y a un maillon aujourd'hui solide qui est celui du Venezuela, mais qui est, parce que c'est aujourd'hui une expérience politique démocratique, il y a un enjeu ce soir, mais il est évident que nous souhaitons que ce maillon continue à être un des maillons les plus forts. On va voir ce qui va se passer, mais c'est clair que ce qui va se passer au Venezuela est aussi une dimension de ce que nous faisons en France. Donc bon courage à nos camarades de Venezuela, et puis on continue la soirée en buvant. Qu'est-ce qui se passe, Christian? Et puis je ne sais pas. Allez, à tout à l'heure. Bien, bonjour à tous, merci d'être venus. Vous savez que vous prenez des risques en étant ici ce soir. Non pas des risques alimentaires, mais des risques politiques, parce que apporter son soutien à la révolution bolivarienne au Venezuela vous vaut immédiatement d'être voué aux gémonies et de vous voir accablé de toute une série d'injures. Et je veux en dire un mot parce que la violence des injures qui s'abattent sont à la mesure de l'enjeu politique de cette bataille. Quand on est au Venezuela, on s'en rend compte. C'est un pays qui a pour l'instant déjà les plus grosses réserves de pétrole du monde. Dans quelques années, on ne sait pas exactement, on se dispute pour savoir quand, mais dans pas si longtemps que ça, il restera 4 pays dans le monde qui disposeront encore de réserves de pétrole. Il y aura l'Iran, il y aura l'Arabie Saoudite, bon appétit, la Russie et le Venezuela. Ça explique la violence des attaques qui ont été organisées contre Hugo Chavez et le gouvernement bolivarien, dès lors qu'il a mené une politique de récupération de la souveraineté sur le pétrole. Pour nous, c'est des mots. C'est des principes, c'est des idées politiques, c'est des batailles. Mais il y a des gens pour qui c'est leur business, c'est leur beefsteak. Chaque année où l'oligarchie vénézuélienne ne peut pas mettre la main sur le pétrole, c'est des milliards qu'elle voit passer sous ses yeux. Chaque fois que le gouvernement états-unien se heurte à un gouvernement vénézuélien qui est indépendant, c'est la remise en cause de son système d'hégémonie qui, comme vous le savez, se heurte à un certain nombre de contradictions, parmi lesquelles le fait que les États-Unis ne disposent pas des ressources naturelles, notamment en pétrole, qui sont requises par son mode de développement. Mais ce qui est frappant, c'est de voir comment cette violence s'exerce aussi en France. Bon, je crois que vous avez déjà eu l'occasion dans la soirée de décrire un certain nombre de montages médiatiques. Enfin, il suffit d'allumer sa télévision, de regarder par exemple le reportage qu'a eu cette semaine sur France 2, où on vous présente Chavez comme l'instigateur d'un putsch, sans vous expliquer les circonstances dans lesquelles il s'est levé contre son gouvernement qui demandait à l'armée de tirer sur la foule. Nous, en France, on en a fait des chansons, gloire aux soldats du 17e, et on ne présente pas les soldats du 17e comme des ex-putschistes. Et bien sûr, ne rien dire du putsch dont il a été victime, et que vous connaissez. Et donc, moi je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à voir cette manière dont la presse française se comporte, finalement, en assez bon parallèle de la presse d'opposition vénézuélienne. C'est en partie lié aux influences qui lient les uns et les autres. Bon, les questions internationales dans la presse française sont assez peu traitées. Il y a peu de journalistes qui en parlent. Ça occupe pas beaucoup de place dans un journal. Il suffit qu'il y ait un ou deux journalistes qui sont très liés à l'ambassade des États-Unis pour qu'ils arrivent à donner un son de cloche. Il y a des bêtises qui s'écrivent et qui ne pourraient pas s'écrire sur d'autres réalités, qui peuvent s'écrire parce qu'il y a cette ignorance et que personne n'est là pour dire « mais non, c'est pas comme ça que ça se passe ». La tribune de René Frégosi dans Le Monde en est un exemple, qui vous explique qu'il y a des bombes à l'université centrale de Caracas, ce qui ne s'est pas produit depuis 40 ans, que les gens vivent derrière les grilles dans cette université, il n'y a pas de grille à l'université. Bon, toute personne qui est allée à Caracas, qui s'est contentée de rentrer dans l'université, sait que ce n'est pas vrai. Mais je crois aussi que ce qui nous est reproché aussi violemment, c'est que beaucoup de gens sentent, parmi les puissants, comprennent un peu ce qu'on est en train de faire. Ne sont pas dupes des caricatures qui sont faites des camarades du parti de gauche qui vont au Venezuela. On n'est pas habité par je ne sais quel exotisme, romantisme, révolutionnaire ou je ne sais quoi. On fait un travail politique sérieux de construction d'un, je dirais, pôle international capable de résister aux politiques néolibérales. On regarde ce qui se passe ailleurs parce qu'on se dit qu'un jour, ça sera notre tour. Et quand on est allé au Venezuela, on n'est pas y allé pour commenter. On y est allé à chaque étape en nous disant comment on fera quand ce sera notre tour. Comment on ferait si on était à leur place? Comment nous-mêmes, les Français, on réagirait, confrontés? N'en doutons pas, on serait dans la même situation. Si le combat que nous menons devient majoritaire, comment nous ferions pour résister à une offensive de la finance internationale, à la pression qu'exercerait l'Empire états-unien, à toutes les manœuvres de déstabilisation qui portent et qui ont touché le peuple vénézuélien? Et je crois que ceux qui regardent ce qu'on fait avec attention nous en veulent déjà beaucoup d'avoir réanimé dans la campagne présidentielle finalement un courant révolutionnaire qui a été très longtemps présent dans l'histoire de notre pays, mais qui avait été effacé. Et nous en veulent d'avoir réveillé le peuple autour du drapeau rouge, autour du mot d'ordre de la révolution citoyenne, autour de son histoire qui est celle de l'histoire révolutionnaire de notre pays. Mais je crois qu'ils n'apprécient pas beaucoup non plus le sentiment que nous sommes en train d'essayer de reconstituer finalement une internationale, c'est-à-dire cette solidarité qui fait que pour nous, ce qui se passe au Venezuela, ça nous concerne. C'est un des lieux où se mène la bataille mondiale contre le néolibéralisme et pour opposer au pouvoir de la finance la souveraineté populaire. Voilà, moi c'est le sens politique de ce qu'on a voulu faire. Je pense que si vous êtes là, vous ne vous y trompez pas. Je voudrais vous faire partager un sentiment, c'est que le Venezuela a non seulement besoin d'aide, mais qu'il est possible de l'aider. C'est un pays, il faut bien comprendre que toute avancée social, démocratique, économique au Venezuela implique une coopération internationale. En matière économique, c'est peut-être quelque chose qui est assez évident, qu'on se représente facilement. Vous êtes dans un pays dans lequel l'industrie pétrolière occupe une place écrasante et il n'y a pas les filières économiques, le savoir-faire d'ouvriers hautement qualifiés, le capital national dont nous disposons en France, et qui fait que quand le gouvernement lance des programmes, par exemple quand il lance un programme de construction de logements, il a besoin de travailler avec des gouvernements, avec des pays qui ont ces industries, qui sont capables d'aider, qui sont capables d'apporter des savoir-faire, qui sont capables d'apporter des capitaux. Mais ce besoin, on le retrouve dans tous les domaines de la politique du pays, même par exemple dans le domaine des missions. Quand le Venezuela a décidé de lancer une mission pour assurer le droit à la santé dans les quartiers, ben il s'est heurté tout simplement au fait qu'il n'y avait pas de médecins. Et ça n'a été possible que parce qu'un autre pays, en l'occurrence Cuba, était là pour fournir des médecins qui ont permis à cette mission de voir le jour. Donc on est vraiment dans un pays qui a besoin d'une aide, qui sont des aides dans beaucoup de domaines, concrètes, de transfert de savoir-faire, d'expertise. Bon. Et je sais que dans le front de gauche, ou dans le parti de gauche, beaucoup de camarades ont dans leur domaine professionnel un haut niveau d'expertise. J'espère que certains d'entre vous auront l'idée de la mettre au service de la révolution bolivarienne, d'aller aider concrètement les camarades au Venezuela. Si on arrivait à organiser ça, je pense que nous donnerions à notre internationalisme la dimension concrète et les échanges qui en font pas simplement un raisonnement politique, mais une réalité vivante. Quand un Vénézuélien dans un quartier populaire a besoin d'être soigné, il va à la maison médicale qui a été construite avec la mission Barrio Adentro et il est soigné par un médecin cubain d'un autre pays, gratuitement, alors que pendant des années, dans son propre pays, il ne trouvait personne pour le soigner parce que ça n'était pas gratuit et qu'il n'avait pas les moyens de le payer, au point que le Venezuela ne fournissait pas assez de médecins pour sa population, non pas solvable, mais qui a tout simplement besoin d'être soigné. Donc c'est aussi ces dimensions humaines très concrètes qui donnent à voir une coopération entre les êtres humains et pas la guerre de tous contre tous. Voilà, je pense que chacun de nous a la possibilité de faire vivre ça, non seulement dans son engagement politique en France, dans sa présence ici, mais aussi peut-être en se rendant là-bas, en aidant concrètement, et nous allons, au sein du parti de gauche, aider ce travail, faire des liens, mettre les camarades en relation avec des camarades au Venezuela, faciliter la tâche de tous ceux qui voudront s'y rendre. Ce ne sera pas un voyage de tout repos, ce ne sera pas un tour organisé en première classe, et c'est à la fois les Caraïbes et l'Amérique latine, donc si vous partez, il faut accepter la part d'improvisation foutraque que ça implique, mais je crois que vous avez des convictions, et donc de ce fait-là, une capacité de faire de dépasser tout ça et de vous rendre compte par vous-même de ce que nous pouvons apporter à ce pays dès lors que nous décidons véritablement de l'aider et non pas de le bombarder de sarcasme. Voilà, merci. Parmi nous, il y a beaucoup des latino-américains, des franco-latino-américains présents. Et comme on est un peu dans l'improvisation, j'ai un petit peu peur que certains ne sont pas là, mais bon, on va les appeler quand même. On va appeler la Bolivie, à travers des amis de la Bolivie. Donc il y a Luchito. Il y a Cuba. Danilo, ici aussi. Il y a le Pérou. Vicente, mais il n'y a pas que Vicente, il y a d'autres Péruviens aussi, bien évidemment. Nuestros amigos de México, et cela les Mexicains. Nuestros amigos de Nicaragua, un aplauso pour Nicaragua. Nuestros amigos de Honduras, nos amis de Pérou, Pérou. Franklin, qui obligé. Ya dije, ya hay Cuba, Bolivia, Nicaragua, y Lela, Nicaragua, Venezuela. Este está Venezuela, venga para acá, Venezuela. Va a la Venezuela. ¿Quién falta? Chile. Colombia. Colombia, México. Y Lela, México. Voilà. Eh bien, notre pays. Ici, comme vous voyez au travers des visages, ce sont des générations, de ces générations des latino-américains que pour certains ont fait racine en France et en Europe. Souvent, des gens qui avons quitté le pays, obligés par les politiques qui ont été menées dans ce pays latino-américain, ces politiques néolibérales dont notre continent a été un laboratoire et qu'aujourd'hui sont là. Et nous nous apercevons que ces politiques que nous sont appliquées là-bas, ce sont celles qu'on applique ici en Europe. Et c'est contre celles-là qu'on se soulève. Et c'est parce que nous pensons que c'est à travers les luttes en tant que latino-américains, en tant que franco-latino-américains, c'est à travers les luttes, à travers les luttes sociales, à travers les revendications que le Front de Gauche a aussi bien menées pendant la campagne et qui continue de le faire, que nous allons pouvoir avancer et que c'est comme ça que ces ponts entre l'Amérique du Sud, entre l'Amérique latine et l'Europe se construira et qui est en train de se construire. Donc, je ne sais pas moi, j'ai improvisé, mais j'aimerais aussi que chacun de nous puisse saluer la révolution bolivarienne dans ces jours quand même importants qui est ces jours des élections. Voilà, je voulais juste dire, Manuel, que tous les amis ici qui font partie du Front de Gauche Latino, ils ont fait cette activité avec les amis de Lucine. Donc c'est les amis de Lucine qui ont travaillé ensemble main à main pour l'organisation. Je demande un fort applaudissement pour les amis de Lucine. Vive les amis de Lucine. Voilà, ils sont nous aussi les amis de Lucine. Voilà, Argentina. Argentina, voilà. Perdona. Bon, écoutez, d'accord, je voudrais saluer aussi Farid Fernandez, conseiller à l'ambassade de Venezuela, qui est parmi nous ce soir, et Ramiro Noriega, qui est chargé des affaires culturelles à l'ambassade d'Équateur, Samuel Madrigal, premier secrétaire de l'ambassade de Nicaragua, Zaira Jiménez, chargé de presse pour l'ambassade de Cuba, et bien sûr, remercier encore, je l'ai déjà fait, mais je les amis de Lucine. Les amis de Lucine. Bravo. Voilà. Donc, on sera là pendant toute la soirée. La soirée va être un peu dynamique avec de la musique, etc. Et tout le monde a mangé déjà, je pense. Oui. Bon, la bouffe, c'était un cadeau du Front de Gauche de Latino avec les amis de Lucine. Et les vins et l'alcool, c'est pour pouvoir payer les dépenses qu'on a faites. Hein. Voilà. Bon. Donc, au fur et à mesure, chacun y prendra la parole librement, je pense. Librement. Hein. Et l'important, c'est de vous dire qu'on est très content de cette soirée, que le Front de Gauche de Latino, c'est un pari et fait à partir des deux comités de soutien à la campagne du Front de Gauche qui a fini, hein, et la campagne présidentielle, mais que nous, on s'engage à continuer cette bataille maintenant et comme Front de Gauche Latino. Vous voulez participer, c'est très facile, on a un bon site Facebook, on a des contacts mail, il y en a des gens un peu partout, vous pouvez juste les contacter. On se réunit une fois par mois. C'est une dynamique qu'on veut créer pour soutenir les luttes ici et soutenir les luttes en Amérique latine. Voilà, on est tous pour Chavez ce soir, donc c'est notre sujet. Oui. Après, on passera à une autre oui. chose. Bon, une petite chose quand même, excuse-moi Christian, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, hein, ce qui nous réunit surtout, c'est le soutien à la révolution bolivarienne. N'empêche qu'en tant que Colombien, je ne peux pas ne pas vous dire, quand même, que rappeler quelque chose à vous, c'est que pour une fois, en Colombie, depuis déjà plus d'une dizaine d'années, il y a une porte qui s'ouvre vers la paix. c'est les dialogues de paix qui vont venir. Ça, normalement, devait commencer le 8, mais n'empêche que demain, 8 octobre, vont s'ouvrir des, il y aura toute une série d'actes, des manifestations pour la paix en Europe et en Amérique latine. Le 17 ou 15, enfin, ce n'est pas encore très déterminé, ces dialogues de paix vont être entamés entre la guérilla et le gouvernement colombien. On sait que si on veut parvenir à la paix, si on veut obliger le gouvernement colombien à ouvrir et à la bourgeoisie colombienne à enfin donner à ses peuples martyrs la paix, ça ne se fera pas s'il n'y a pas derrière un mouvement social, la solidarité internationale qui doit s'exprimer. Donc, on compte aussi avec les fronts de gauche, et quand on dit on compte avec les fronts de gauche, c'est que nous, latino-américains, nous sommes dans ces fronts de gauche, et c'est avec eux qu'ils comptent marcher aussi pour la paix en Colombie. Bonsoir, je suis bolivien, du Consejo Pro Bolivia. Donc, je viens soutenir Hugo Chavez. Parce que Hugo Chavez, il a eu un rêve qui était celui des Bolivar. C'est que toutes les pays du Mexique à la Patagonie soient un jour un seul et unique, comme c'est le peuple latino-américain. Comme vous regardez aujourd'hui, le peuple latino-américain, il a été découpé, mais un jour, il va être uni. Et la victoire de Hugo Chavez, c'est une victoire de toute l'Amérique latine. Et la victoire d'Hugo Chavez, c'est aussi la victoire de Evo Morales en Bolivie. C'est la victoire des Coréas en Équateur. C'est la victoire de tous les pays progressistes. Et la Colombie aussi, ici présente. Un jour, sera partie de l'Alba, parce que l'Alba, ce sera toute l'Amérique latine. C'est une union sur la base de la solidarité et la complémentarité. C'est à cela qu'on aspire tous les latino-américains progressistes. Et on veut aussi partager cette solidarité et complémentarité avec le peuple français ici présent. Parce que l'aspiration d'un monde meilleur, l'aspiration de justice sociale, l'aspiration d'un monde sans guerre, un monde de paix et de respect de la souveraineté, c'est important pour la paix dans le monde, puisqu'on est au bord et en danger de la paix dans le monde. Et donc, je demande de dire « El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. » Alors, on va te passer après que les lacunos alors, finissent. Alors, que compañero, compañero Jean-Luc Mélenchon, por favor. Compañero Jean-Luc, por favor, aquí a la escena con los latinoamericanos. Un aplauso fuerte, un aplaudí. Estamos construyendo... Toma el micrófono. ¿Y qué se habla? ¿Español o francés? No, francés, francés, quand même. Y a pas mal de francés, quand même. Y el placer de hablar español. ¿Qué hacemos con él? ¿Eh? Como dice Chávez, hay que reír, hombre. Hay que reír. Reír, ¿eh? Reír. Y dice uno así, y tú, Martín, ríete, por favor, de los golpes. Tú sabes, tú me dices uno. Il faut rire. C'est la consigne de Chávez. Il a dit ça à l'Assemblée nationale à la fête de l'indépendance. Et il dit, il faut rire, mais pourquoi vous faites cette tête? Il dit à l'opposition. Il dit, je suis en train de parler de coup d'État. Il se tourne vers un et lui dit, mais toi, Martins, tu sais ce que c'est un coup d'État? Tu m'en as fait un, marre-toi un peu. C'était comme ça. Mais moi, ça m'a impressionné parce que c'est une belle façon avec humour. L'humour fait partie de nos armes, hein. Bon, mes camarades, mes amis, d'abord, j'adresse un salut très amical et fraternel aux représentations diplomatiques des pays des révolutions démocratiques de l'Amérique du Sud qui nous font l'amitié d'être là ce soir. je salue mes camarades du Front Latino qui s'est constitué sur la base de vieilles amitiés nouées dans les luttes des années 70 pour quelques-uns d'entre nous qui ne sont plus des jeunes gens. Dans les circonstances souvent terribles des années de plomb que tout le monde a oubliées. Enfin, je veux dire, pas vous, hein, mais les commentateurs qui discutent de la dictature qui, paraît-il, s'exerce au Venezuela et ailleurs, oublient ce que le mot « dictature » a voulu dire pour les nôtres, c'est-à-dire des assassinats de masse, des gens qu'on achetait depuis des hélicoptères, des camarades qu'on a tués, torturés, massacrés par paquets, 30 000 en Argentine, 4 000 au Chili, des milliers en Uruguay. Le président actuel de la République, le camarade Pepe Mujica, a encore 3 balles dans le corps. Voilà la vérité. C'est ça que veut dire une dictature. C'est pas des élections où il y a, après qu'on ait entendu parler du parti unique qu'il y aurait au Venezuela, vous vous en souvenez, c'était il y a 4 ans. Chavez avait décidé de faire un parti unique. Il y a 40 partis dans ce pays. Il était dorénavant président à vie. Il y a des élections tous les 4 ans, et cette fois-ci, il y a 7 candidats. Étrange parti unique que ce pays où il y a tant de partis. Étrange présidence à vie que cette présidence qui se renouvelle tous les 4 ans avec 7 candidats. Il en faut, hein, de l'effort. Toute la journée encore, ça a dégouliné sur tous les écrans, toutes les chaînes de radio, tous les journaux, à quelques exceptions, évidemment, les nôtres. Hein. Mais nous... C'est clair, on est de la presse d'opinion. L'Humanité, c'est un journal d'opinion. Vous achetez l'Humanité, vous savez que vous achetez un journal de gauche. Vous achetez Politique, vous achetez un journal de gauche. Vous achetez Le Monde Diplo, c'est un journal de gauche. Etc. Enfin, pas tant etc. que ça. Mais tous les autres, vous achetez Le Figaro, vous savez qu'il est à droite, c'est normal. Mais les autres, ils font semblant d'être objectifs. J'ai entendu un pauvre mannequin qui récite les fiches que distribue la CIA et les autres agences d'influence débitaient ces bêtises ce midi à la télé et disaient « La criminalité a augmenté d'une manière invraisemblable au Venezuela, blablabla. » Juste en oubliant de dire que la criminalité a explosé dans toute l'Amérique du Sud, que le pire pays est le Mexique où toutes les élections sont trafiquées sans qu'il dise jamais un mot contre. Toutes les élections sont trafiquées. Et c'est toujours la droite qui gagne. Et le pire est le Mexique, où les cartels font la loi. Et la maladie qui tue à petit feu l'Amérique du Sud, c'est les cartels de la drogue, les trafics de toutes sortes. Et on ferait bien de ne pas faire les malins, parce que c'est un modèle de civilisation, une façon d'organiser le monde qui a abouti à ça. Et ça aussi, ça a traversé l'Atlantique. Le meilleur a traversé l'Atlantique. C'est l'esprit des révolutions d'Amérique du Sud. Et le pire aussi, l'esprit des cartels, des zones de non-droit, des petits seigneurs de la guerre qui règnent sur des quartiers. Voilà, tout ça, on ne l'aura pas entendu ni aujourd'hui ni hier, si bien d'ailleurs qu'on n'a pas pu avoir les discussions qui nous auraient intéressés, qui auraient été de parler du bilan contradictoire des révolutions d'Amérique du Sud. Nous ne sommes pas des idolâtres. Nous ne nous mettons pas à genoux devant le portrait de Chavez. Nous ne sommes pas là à réciter comme des mantras ce qu'il dit, nous, parce que c'est ce qu'ils font. Quel que soit le pays du monde, partout, ils parlent tous de la même manière, avec les mêmes mots, pour réciter les mêmes formules, les mêmes qui vous disent « Ah, monsieur Mélenchon, la France, c'est pas la Bolivie. » Ah oui, moi j'étais au courant, mais vous apparemment pas, parce qu'en Bolivie, vous proposez la même chose qu'en France. La même chose, les mêmes mots. Les mêmes baisses de salaire, les mêmes baisses de protection sociale, la même compétitivité, blablabla. La même chose partout. Voilà la vérité. Nous, nous avons un rapport critique à nos expériences. C'est pour ça que c'est si important de faire le tour, d'aller, de voir, de revenir, de s'intéresser, de ne pas croire au bourrage de crâne dont nous faisons l'objet. On doit discuter. Personne ne dit que ces révolutions sont autre chose qu'une source d'inspiration. Justement, comme c'est une source d'inspiration, qu'est-ce qu'elles nous apprennent? Camarades, après la chute du mur de Berlin, quels qu'aient été nos positionnements par rapport au dénommé camp socialiste et au bilan du stalinisme, quelles qu'aient été nos positions, même si on y avait été extrêmement hostile pour des raisons de gauche, ou qu'on y ait été très favorable de bonne foi. De toute façon, nous étions tous promis à la même fosse commune, à la même benne à ordures. C'était fini. Le grand idéal libérateur révolutionnaire était terminé. Il était enfoui sous les décombres du mur. Et nous, et c'est d'Amérique du Sud qu'est venu le rallumage de la flamme, avec la victoire au Brésil et avec la victoire à Venezuela. Ce soir, c'est la soirée de Venezuela, c'est de Venezuela dont on va parler. Mais nous, nous ne devons pas oublier ça. Et nous devons étudier les conditions particulières dans lesquelles la chaîne a rompu là-bas. Sans romantisme, il faut mettre du romantisme après. C'est pas interdit d'être romanesque. C'est pas interdit d'aimer la vie. C'est pas interdit d'avoir des héros. C'est pas interdit de pleurer quand les pauvres vont dans la rue avec des drapeaux rouges. Et moi, je pleure dans ces circonstances plutôt que devant des matchs de foot. Alors, il paraît que ça fait rire les gros machos de la presse. Je sais pas quand est-ce qu'ils pleurent, ceux-là. Ils pleurent quand ils voient leur feuille de paye. C'est jamais assez. Et puis pour les autres, il n'y a vraiment pas grand-chose. Ça justifierait qu'ils soient un peu moins larbins. Alors, d'Amérique du Sud, cette flamme est revenue. Elle a traversé l'Atlantique, déjà par nous. Par nous. C'est pour ça que c'est si important qu'il y ait le front latino. Ils sont divers, les camarades. Ils viennent de différents pays. C'est pas parce qu'on dit latino que du coup, lève-la tous pareil. Il y a des cultures, des expériences personnelles. Nous avons affaire à des êtres humains, pas à des machines, ni à des duplicatas de, je ne sais pas quoi, moi, de Boliviens, de Chiliens. Ça n'existe pas. Il y a des Chiliens de droite et de gauche. Et dans la gauche, des Chiliens de toutes sortes. Et ainsi de suite, pour la Bolivie, pour la Colombie. C'est normal. Mais déjà, voilà le premier pont qui est fait avec nous. C'est ce front latino. Nous sommes en train de reconstruire un internationalisme concret, éduqué, conscient, éveillé, et pas ahuri, assommé par des formules. Nous regardons, eux regardent entre eux ce qui se passe, puis avec nous, puisqu'on vit ensemble, ce qu'on est en train d'essayer de faire. Cet internationalisme concret, cette soirée en est une manifestation. Camarades, il y a des années qu'on n'avait pas vu une chose comme celle-là. En tout cas, moi, il y a des années que je n'avais pas vu. Et j'en ai vu. Et puis je commençais à me fatiguer qu'on fasse des réunions seulement pour enterrer les camarades. Parce qu'à chaque fois, on repart, hein, on est secoué. Hein. Cet internationalisme concret, pour ce qui concerne le parti de gauche, il s'est traduit entre autres par le fait que 6 membres de notre direction auront participé à ces élections. Si vous me rajoutez moi, ça fait 7. C'est-à-dire... Sur 22 membres que compte la direction, ça fait quand même le bon tiers. Hein. Vous connaissez un autre parti dont le tiers de la direction va faire campagne à 10 000 bornes de là, hein. Et bien, je suis très fier d'eux, tous autant qu'ils sont, de la façon dont ils ont abordé cette question. Mais nous, quand on a vu cette vague revenir, il fallait regarder. Qu'est-ce qu'elle avait en commun? On sait bien, nous, on n'est pas comme des sociodémocrates qui n'y connaissent rien. De toute façon, leur culture s'est effondrée, ils n'y connaissent plus rien, ils ne savent même pas où c'est sur la carte. Je me rappelle, ne me croyez pas que j'exagère. Je vais vous raconter une anecdote si vous voulez savoir. À chaque fois, on disait, mais combien de temps on va continuer à soutenir n'importe qui? Parce qu'à l'époque, moi j'étais socialiste, donc on soutenait les candidats socialistes. Bon appétit. Alan Garcia au Pérou. Corrompu et assassin. Bon, je ne vous donne que cet exemple, hein, pour ne pas être trop fâché avec tout le monde. Et alors un jour, comme ils en avaient marre de se faire humilier, ce pauvre Moscovici, qui à l'époque était le responsable international, il dit à la réunion, il dit « Oui, ben, tout ça c'est fini, on ne soutient plus n'importe qui. D'ailleurs au Venezuela, on ne soutient plus Action démocratique, ben, encore heureux, vu que son responsable est en prison pour corruption. Ce n'est pas nous qui lui avons fourré, c'est les précédents. Hein. Nous soutenons un très sympathique guérillero qui fait une espèce de PSU local. Il s'appelle Petkov. » Un vague silence, mais tout le monde était très content chez les sociodémocrates, ils nous regardaient comme ça, « Alors, hein, qu'est-ce que t'as à dire? Qu'est-ce que t'as à dire ?» Et de la pierre, qui a un sens de l'humour qui lui est très personnel, c'est-à-dire qu'il dit ce qu'il a à dire d'une manière tout à fait glaciale, Et il lève la main, il dit, écoutez, je voudrais compléter l'information du bureau national. Il était membre du bureau national comme moi. Et il leur dit, le Petkoff en question est le directeur de campagne du candidat de la droite. Et tout le monde doit regarder ses pompes à nouveau. Moi, j'ai un humour plus facétieux, comme vous le savez. Quelque temps après, je lève la main, je dis, j'ai une mauvaise nouvelle d'Amérique latine. Ils avaient tous la banane. Nous avons encore perdu les élections au Brésil. Ils me disent, quoi? Pourquoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Lula a été élu? Je dis, oui, je sais bien, mais ce n'était pas Lula notre candidat, c'était l'autre. Le candidat de l'international socialiste, c'était l'autre. Il était soutenu par la droite et l'international. Bon, tout le monde a... Donc, quand je vous dis qu'ils ne savent même pas de quoi ils parlent, je sais, moi, de quoi je parle, parce que je les connais tous. Le camarade président de la République, à l'époque, quand il a été pour la première fois au Brésil, il voulait aller voir Brizola, il y en a peut-être qui connaissent ici. On était obligé de se traîner pour lui dire « Fais pas ça, c'est un corrompu, on va se couvrir de ridicule. Ne fais pas ça, c'est Lula qu'il faut voir. » « Ah oui, oui, vous croyez ?» Il a fallu vraiment quasiment faire frontière de notre corps pour pas qu'il fasse. Vous savez pas la meilleure, c'est que Jospin trouvait que Lula était suspect parce que c'était un gauchiste. J'aurais tout vu, moi, là-dedans. C'est pour vous dire que je me sens un peu décontracté quand on parle de ces expériences et des pseudo-analyses que débitent certains. Et quand je vous dis qu'ils répètent des argumentaires qui ne sont pas les leurs, parce qu'ils ne savent même pas ce qu'il y a dedans et qui les a écrits, c'est parce que je les connais. Je reviens à la Révolution. Venezuela, pour nous, les Français, dans le spectre général des événements de l'Amérique du Sud, ça nous concerne un peu plus directement qu'un autre pays. Pourquoi? Comme tout le monde, d'abord parce que c'est le premier endroit où Christophe Colomb a touché, comme il disait, la terre ferme. Je ne sais pas ce qu'il croyait, que le reste flottait ou quoi, mais bon, la terre ferme, il dit, c'est là. Quand même, c'est pas n'importe quoi. Et puis, il se trouve que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, rédigée en France, est arrivée pour la première fois dans le Nouveau Monde par le Venezuela. Pourquoi? Il y avait 5 conspirateurs qui montaient un coup, une tentative, contre les Bourbons d'Espagne. Ils avaient été arrêtés et déportés à Venezuela. Et ils tenaient leur réunion dans la prison de Caracas. Et il se trouve que le directeur de la prison était lui aussi un homme des Lumières. Donc ils faisaient leur réunion ensemble. Et le texte qu'ils avaient appris par cœur, ils l'ont écrit, ils l'ont traduit, et il a été imprimé dans les Caraïbes et ramené sur le continent. Et c'est là la première fois que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est arrivée en version écrite sur le continent. Et elle a donné lieu à toutes sortes de choses, ensuite, que je ne vous raconte pas, sinon il y en a jusqu'à demain matin. Mais c'est pour vous dire que la Grande Révolution, l'esprit des Lumières, est intimement lié au premier pas de la construction de l'idéal révolutionnaire et émancipateur de l'Amérique du Sud, qui, bien sûr, a trouvé son propre chemin. Ensuite, vous le savez tous, il y avait le premier libertador, c'est Miranda. Je ne vais pas entrer dans les détails de l'histoire de Miranda et son rapport au mouvement indépendantiste, mais Miranda était avec les nôtres, à Valmy, c'est quand même pas n'importe quoi. Il était là, il a combattu avec les nôtres, et c'est le seul étranger dont vous avez le nom sur l'arc de triomphe de l'étoile. Il y a le nom du général Miranda. Quant à Simon Bolivar, il a fait un passage en Europe, et... un passage à Paris, bien sûr, c'est un homme des Lumières également. Comme beaucoup de latinos, ils ont été tous membres d'une même loge maçonnique qui s'appelait la loge Lautaro, qui était d'abord installée en Angleterre. Comme Saint-Martin. Et les autres, tous les libertadors sont passés là. La loge a ensuite est passée à Marseille, et puis à Paris, puis à Marseille. Je ne vais pas vous raconter qui est Lautaro, mais c'est un Indien révolté contre l'ordre colonial espagnol. C'était donc une marque, dès le départ, que l'idéal créole, on va dire créole, était un idéal émancipateur pour toute l'humanité, et pas seulement réservé à certains contre d'autres. Donc il y avait Miranda, donc il y avait Bolivar. On dit de Bolivar, je vous le dis comme ça, ça va prendre 2 secondes, vous irez regarder après sur Internet pourquoi, il y a soupçon que Bolivar est un lien de parenté avec Gauguin. Vous apprendrez comment... et par quel passage étrange ces choses ont pu se faire. Et puis, nous avons une autre belle histoire en commun avec Venezuela. quand la Convention a envoyé le décret d'abolition de l'esclavage, parce que je vous rappelle que la Révolution, cette horreur terroriste, a libéré de l'esclavage les Noirs des colonies. Et Robespierre, cet horrible terroriste, à qui on disait « mais vous n'y pensez pas, vous allez ruiner les colonies ». Et il avait répondu « périssent les colonies plutôt qu'en principe ». Robespierre. Donc on envoie là-bas une délégation dirigée par un homme qui s'appelle Victor Hugues. Ça ne s'invente pas un truc pareil. Lequel installe la guillotine sur le pont du bateau pour faire réfléchir tout le monde. Il arrive, a lieu la guerre de libération, parce que c'est une guerre, et ensuite les gens qui sont là sont tellement enivrés d'idéal révolutionnaire qu'au lieu de rester là entre eux, ils montent une expédition et ils vont au Venezuela. À l'époque, on appelait les Noirs des colonies, c'est-à-dire les esclaves, les anciens esclaves, los negros franceses. Il était interdit, vous m'entendez, à un Noir qui avait simplement touché un port français. Touché un port, hein, c'est-à-dire le bateau s'était arrêté. Comme un peu comme les bateaux américains, dès qu'un bateau est passé à Cuba, c'est terminé, il n'a plus le droit de s'arrêter nulle part. Et bien à l'époque, c'est déjà pareil. Quiconque avait touché la terre de France, interdiction d'aller où que ce soit dans une autre colonie espagnole, des Bourbons ou des Anglais. Et c'est les bateaux français partent et ils vont imposer, ils s'imaginent, hein, la ley de los franceses, pour une fois on peut être heureux de ça, la ley de la française, es decir, la loi des Français, ça veut dire la République et l'abolition de l'esclavage. Voilà comment deux bateaux décident d'aller attaquer le Venezuela pour libérer la population esclavagisée et pour beaucoup marrons, comme on disait, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui s'étaient libérés par eux-mêmes de l'esclavage. Voilà pourquoi Venezuela n'est pas un pays si exotique qu'on le croit pour les révolutionnaires français. Pour les autres, je ne sais pas, hein, mais pour nous, non. C'est un coin de notre patrie du cœur. Nous sommes liés à eux de cette manière-là. Et par conséquent, quand la révolution bolivarienne a commencé, le mot même de bolivarien nous parle, c'est Simon Bolivar. Et depuis, vous avez vu qu'en France, il s'est produit une espèce de polarisation particulière, de haine contre la révolution vénézuélienne. J'ai même eu l'honneur d'être traité de petit Chavez. Je l'ai dit à Chavez. Je lui ai dit, président, ils m'ont traité de petit Chavez. Et lui m'a dit, ah ben je suis désolé, je ne voudrais pas vous nuire. Et je lui ai dit, mais non. Je lui ai dit, moi j'ai répondu, pourquoi petit? Et lui m'a dit, vous avez raison, il faut toujours voir grand. Vous voyez, on se comprend. Et évidemment, vous avez compris une chose, la haine qu'il y a contre le chavisme, c'est une haine de classe. On dit, vous qui êtes des adorateurs, mais nous n'adorons personne. Vous qui admirez, ben, ce n'est pas le sujet. Nous apprenons, c'est une source d'inspiration pour nous. Qu'est-ce qu'elle nous apprend, la révolution bolivarienne, dans son démarrage? Comme ce qui s'est passé dans tant d'autres pays, je pense à la Bolivie, à l'Équateur et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé, mes amis et mes camarades? Venezuela, c'est une caricature de ce que nous vivons en Europe. Il y avait un accord entre les sociaux-démocrates, membres de l'Internationale socialiste, et la droite. Ils avaient été signés cet accord à un endroit, ça ne s'invente pas, qui s'appelle Punto Fijo, point fixe. T'as compris? Si t'as pas compris, rien qu'avec le nom du lieu, t'as compris. Point fixe, on n'en bouge pas. Voilà les règles de la bonne gouvernance. Le consensus dit de Washington, pareil que nous en Europe, le consensus, le texte de Copenhague. C'est la même chose. Comment on fait une révolution sachant que celle du Venezuela est arrivée après que les pauvres gens aient tout essayé. Tout essayé. Comment s'en sortir quand on ne sait pas, quand on ne voit pas le bout du chemin, quand il y a tant de misère, les gens sont raisonnables. Et ils votent, on leur dit, il faut voter socialiste, ça va aller mieux. Bon, allez, on va voter socialiste. Et ça ne change rien. Nom d'un chien, un plan de rigueur, ils ont eu droit, eux aussi. Ils avaient voté pour un type qui leur avait dit qu'il allait tout changer. Première chose qu'il fait, pouf, un plan de rigueur. Et vous savez quoi, les gens s'avalent tout. Tout. Ça ronchonnait, ça traînait les pieds, ça. Mais bon. Ah. Et un jour, il découvre qu'on augmente les tickets de bus. Émeute à Caracas. Parce que Caracas, c'est une ville en longueur, vous savez, à cause de la géographie. Donc ceux qui montent dans le bus et qui payent, c'est ceux qui vont bosser, qui se considèrent comme la classe moyenne par rapport à tous ceux qui sont dans l'informel ou qui n'ont pas de boulot. Ça les rend enragés. Ça commence, une manifestation, etc. Et le gouvernement ne leur envoie pas la police, mais l'armée. Ça produit toujours le même résultat, camarades. Parce que ce n'est pas le boulot de l'armée de faire du maintien de l'ordre public. Ils ne savent pas le faire, ce n'est pas leur métier. Donc ça dégénère à tous les coups. Et là, ça a donné, on va prendre les estimations basses, 1000 morts, les estimations hautes, 5000. Tout le monde pense que 3000 personnes y ont laissé leur peau. C'est le Caracas. Et sur cette base, les événements prennent une accélération fantastique. Comme on avait vu sur la base des émeutes des casseroles à propos des caisses d'épargne en Argentine, trois présidents de la République en même pas un mois. Comme on a vu sur la base d'une augmentation du prix de l'eau en Bolivie, une émeute de masse démarrer de l'Alto, descendre sur la Paz et tenir tout. Et ainsi de suite, sur un événement fortuit. Mes camarades, on en paye le prix après, quand on gagne sur cette base-là. Ce qu'a fait Chavez. Il est donc passé de 5%, qui était le score de l'autre gauche, à 52%. Comme nos camarades ont failli le faire en Grèce, il n'y a qu'un tour. Ils sont passés de 4,5% à 18% et 28% la même année. 18% et 28% la même année. 4,5%, c'était un peu avant. Qu'est-ce qu'on fait, camarades? Ça, c'est un cas concret de révolution. La révolution, c'est pas un sujet de... c'est un sujet concret. C'est une stratégie qu'il faut mener, comme nous-mêmes, nous en avons une en France. Et après, il faut non seulement conquérir le pouvoir, mais l'exercer d'une manière révolutionnaire. Comment ça se fait? Ça se fait pas d'en haut. Ils vous disent, ça se fait d'en bas. Ben, très bien, et en bas, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, mais qu'est-ce que vous foutez en haut? Voilà comment ça se passe. Voilà les problèmes sur lesquels on bute. L'habitude d'obéir, d'être soumis, de ne pas savoir par quel bout attraper les problèmes, c'est une question concrète du processus révolutionnaire. Il a donc fallu que les camarades, et Chavez en particulier, fassent deux choses en même temps. Transformer un peuple révolté en peuple révolutionnaire, ce n'est pas la même chose, et créer un parti de la révolution. Je ne vais pas vous faire un dessin, créer un parti de la révolution quand vous êtes au pouvoir. Vous avez de fortes chances de vous ramasser tous les carriéristes qui passent par là. Ben c'est humain. Il n'y a pas que des carriéristes, mais c'est humain, ça existe. Et si on se le cache, on ne comprend pas pourquoi c'est si important que nous construisions maintenant le Front de Gauche, maintenant le Parti de Gauche et les différentes composantes du Front de Gauche, avec des adultes conscients qui pratiquent entre eux une discipline librement consentie, qui n'a pas besoin d'ordre. C'est pourquoi on a dit la consigne, c'est n'attendez pas les consignes. Faites comme vous le sentez. Vous êtes assez éduqué, vous avez assez lu, vous avez assez regardé. Et si vous ne savez pas, je ne sais pas mieux que vous. Il faut que le commandement, qui a un commandement politique, qui trace une ligne, qui utilise les circonstances pour faire avancer le mouvement, comme nous l'avons fait en faisant trois rassemblements de masse pendant la campagne présidentielle sur le thème du changement de régime, pour la 6e République. C'était des choses que personne n'avait vues. Nos adversaires rigolent, ils croient que c'est un bon coup de com' qui s'est passé autour d'une espèce de rockstar de la politique. Laissez-les rire, tant mieux que leur propagande les abasourdisse, qu'ils croient à leur stupide refrain, tant qu'ils nous laissent avancer. Remarquez, maintenant, ils ont commencé à comprendre. Vous avez vu comment ils ont compris en Grèce? Là-bas, ils sont 16 partis dans le front, hein. Il faut le gérer, un truc pareil. Ils n'ont pas la même expérience que nous. Donc, si nous ne regardons pas ça en face, nous ne comprenons pas les tâches que nous avons à faire maintenant, parce que c'est du temps qu'on gagne, tout ce qu'on fait maintenant. C'est du temps qu'on gagne pour après. Parce que quand il faudra s'y mettre, il faudra s'y mettre sur la base de l'implication populaire. Donc, qui c'est le populaire? C'est vous, c'est moi, c'est nous tous. Donc on apprend en examinant de près les conditions de la révolution bolivarienne, en examinant de près ce qui se passe en Bolivie, ce qui se passe en Équateur. Ça ne veut pas dire qu'on est là béat parce qu'on pense, comme a dit cet idiote, cette bourrique du journal Le Point, qui m'envoie des questions soi-disant vachement intelligentes pour justifier les saloperies qu'ils ont répandues sur toutes les autres pages. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous donner le frisson révolutionnaire que vous ne trouvez plus en Europe? Vous comprenez, comme eux, ils n'arrivent plus à se filer le frisson réactionnaire qu'ils avaient quand ils allaient en Russie. Ils pensent que les autres sont faits comme eux. Hein, voilà. C'est pas ça qu'on fait. On étudie parce que pour nous, c'est une affaire qui nous concerne, nous, directement. Directement. Comment font les camarades? Et on n'est pas là à dire tout ce qu'ils font est bien. On sait que devant l'ennemi, on n'ira pas faire des critiques qui servent à rien. On me dit, oui, vous n'avez pas un jugement équilibré. Ah bon, pourquoi? Je suis obligé de dire du mal de Chavez pour pouvoir me le suivre? Mais est-ce que ça servirait à quelque chose? Si ça servait à quelque chose, peut-être qu'on le ferait, mais ça ne servirait à rien. Si nous critiquions ceci, nous demanderait cela. Regardez comment chaque fois qu'on m'interroge sur le Venezuela, c'est pour me demander ce que je pense des relations de Chavez avec Ahmadinejad. Tout le monde le sait ce que j'en pense. Je suis contre les religions en politique. Pourquoi voyez-vous que ça va changer à propos des Iraniens? Je suis donc contre. Mais pourquoi ils me font parler que de ça? Vous voyez l'habileté? Nous faisons parler un opposant qui est un partisan de M. Chavez. Monsieur, qu'est-ce que vous pensez si M. Chavez a écrasé son voisin? Voilà. Il a écrasé son voisin? Voilà, c'est ça. C'est ça leur méthode pourrie. Mais nous, ça ne doit pas nous abasourdir, ni non plus nous aveugler. Il faut continuer à réfléchir d'une manière critique en faisant la part des choses. Devant l'ennemi, boca cerrada. Entre nous, l'esprit complètement éveillé. La conscience totalement épanouie. Réfléchir, comprendre, essayer de saisir au bon tout ce qui est transposable. Moi, j'ai appris des centaines de choses. Et la première, j'ai repris confiance. J'ai repris espoir. Parce que j'appartiens à une génération. Vous avez vu, les hommes de ma génération, les femmes, les trois quarts sont au tapis. Ils ont changé de camp ou ils sont abasourdis. Et tout le monde a repris comme ça, comme de l'eau sur une terre qui était devenue tellement sèche. Pouf, on a rallumé le feu. C'est parti de l'un, de l'autre. Comme dans un feu, il y a un petit tison, rien, quelques-uns. Et puis tout d'un coup, tchaf, ça repart. Et un, l'autre s'y remet. Celui-ci reprend courage. Celle-là aussi, ses camarades qui étaient brisés, à qui on avait dit votre vie, elle n'a servi à rien. Quoi, vous êtes fait casser la gueule au Chili, vous l'avez bien cherché? Et ainsi de suite. Quoi, t'as perdu la moitié de ta famille? Qu'est-ce que tu nous fais chier, on passe à autre chose. Et tous ces camarades, je parle des plus anciens, comme ça, se regarder, les bras ballants, et je parle de ceux qui sont ici, les militants communistes, les militants du socialisme de gauche et tout. Est-ce que tout ça a été pour rien? Le feu a repris à la plaine, grâce à nos camarades d'Amérique du Sud, qui nous ont redonné du courage, et qui nous ont redonné du courage d'une manière positive, dans le bon esprit de la philosophie des Lumières, c'est-à-dire le bon maître est celui qui apprend à se déprendre de soi. Le bon maître, c'est celui qui vous habitue à penser tout seul, pas à penser comme lui. Voilà ce que nos camarades nous ont aidés à faire. Et toutes les expériences qu'ils ont accumulées sont directement transposées dans nos programmes. Les limites de leur expérience aussi sont dans notre programme. C'est-à-dire que nous avons essayé de les dépasser. S'il y a un programme aussi cohérent, notamment sur des questions qui sont sous-estimées souvent, dans leur liaison avec l'idéal socialiste et républicain, comme les questions de l'écologie, c'est aussi parce que nous avons beaucoup parlé avec eux. Si nous avons compris, camarades, cette règle de base, l'empire, le monde globalitaire, c'est un monde sans bord. Il va de soi. Et c'est vous qui êtes bizarre. La conquête de l'hégémonie politique a un préalable. Il faut tout conflictualiser. Tout conflictualiser. Si vous laissez passer, les choses passent avec la grammaire et la syntaxe, le consentement à l'ordre. Tout doit être interpellé. Tout doit être conflictualisé dans un premier temps. C'est ça les leçons. Comment croyez-vous qu'on transforme un peuple révolté en peuple révolutionnaire? Comment sa conscience peut-elle s'éveiller? Par les discours, bien sûr, mais par la pratique de la lutte, par l'observation consciente des agressions de l'adversaire. Voilà ce qui se passe. Comme l'a dit Chavez, reprenons une phrase de Trotsky. La révolution avance sous le fouet de la contre-révolution. Et dans cette perspective, la question de la voie démocratique, pour nous, et pas une concession que nous faisons à nos adversaires. Nous ne sommes pas partisans de la démocratie et du pluripartidarisme comme ça, parce qu'il faut bien lâcher quelque chose. Hein. Non, non. Nous sommes parce que, pour nous, les élections et la contradiction sont partie constitutive de la formation d'une conscience collective révolutionnaire. Il faut donc qu'il y ait des élections et il faut que tout le monde ait la parole. Pas comme ils nous font à nous, hein. 75% du temps d'antenne pour eux, et tous les autres, le reste. Une vraie débat sur tous les sujets, tout le temps. C'est pourquoi vous devez avoir nécessairement des leaders qui conflictualisent. Ben oui, et ça marche ensemble. Les partisans du consensus sont les partisans de la soumission. C'est tout. Le consensus, camarade, n'est pas didactique. Le consensus ne respecte pas la souveraineté du peuple. Ce sont les élites et les techniciens qui se mettent d'accord entre eux et qui disent « there is no alternative ». Hein, Tina, Madame Thatcher. Il n'y a pas d'alternative, c'est comme ça et pas autrement, on ne peut pas faire autrement. Et donc tous ceux qui veulent faire autrement, soit sont des menteurs, soit sont des fous. Voilà pourquoi nous sommes repas en menteurs et en fous, en permanence. La conflictualité, c'est l'intelligence, le respect de l'intelligence des autres. Les gens vont savoir. Moi je dis ça, toi tu dis ça, voilà. Bah, on est en démocratie on vote. Le vote ne change pas ma conviction, il prend la décision. Voilà, et nous respectons la décision. Par conséquent, la voie révolutionnaire choisie à Venezuela, comme dans les autres pays, est une voie qui nous parle, parce que nous faisons la même chose. Ça ne nous a pas trop mal réussi pour l'instant. On s'est fédérés, on est allés aux élections et on a appris, en regardant faire, moi j'ai appris des tas de choses, il y a des choses où je me suis libéré, qu'est-ce que vous voulez? Je vous dis les choses franchement. Moi, de ma vie, j'avais fait une campagne en parlant d'amour. C'est pas que je le pensais pas, je le ressentais pas, je suis comme vous tous, là, qui faites les malins avec des airs de dur. Nous pensons, conformément à la déclaration du comité central, blablabla. Puis dans votre cœur, c'est autre chose qui se passe. Comme moi, quoi, vous voyez les drapeaux rouges, vous avez les larmes aux yeux, vous savez pourquoi? Pas parce que c'est rouge. Ça veut dire, c'est les pauvres, c'est les nôtres, c'est le peuple, c'est ça qui vous parle. Et une année où je vais là-bas, ils faisaient une élection, ils m'ont bourré le crâne avec leur truc de cato, là. Et le Christ commandant des peuples par-ci, le Christ commandant des peuples par-là, et si on ne le fait pas par amour, c'est par passion. Et bon. Au début, bon, c'est la France, hein. Nous, les curés, ça ne s'est pas bien passé pendant la Révolution. Après, ça s'est amélioré, hein, faut dire ce qui est. Nous tous, on a appris à ne pas injurier la foi, mais enfin, de là, ça fait quand même beaucoup. Mais il faut écouter, il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas se bloquer, il faut écouter. Pourquoi ils parlent comme ça? Pourquoi ils disent comme ça? Parce que c'est une vérité fondamentale, avec ces mots-là. Pour dire de l'amour et de la fraternité, ils en parlent dans la langue qui est la leur, qui est la langue de la foi. Et alors, où est le problème? On va leur dire, non, non, seulement si c'est gratuit, si c'est, il n'y a pas de... Non, fais comme tu le sens. Moi, ça m'a appris des choses, ça m'a libéré. Pour en parler à mon tour dans les meetings, la première fois, j'ai essayé comme ça. Et j'ai vu que les gens, pouf, si c'était... ils se reconnaissaient dans ce discours-là. Je dis, c'est bon, on se comprend. Allez, hop. Après, j'ai vu Chavez lire Les Misérables à la télé. Les Misérables. Il a fait imprimer ça et distribuer dans les écoles. J'ai relu. Dit, ah, c'est pas mal. J'ai fait pareil. Dans un meeting, j'ai lu une page, il faut dire qu'on m'avait bien assaisonné avant. Hein. J'expliquais que j'étais trop intellectuel pour les gens auxquels je parlais. Autrement dit, comme je parle à un troupeau de cons et que moi-même je suis un demeuré, on faisait équipe, quoi. Hein. Je me suis dit, on va voir ce qu'on va voir. Parce que je sais bien, moi, qui est-ce qui vient dans nos meetings. C'est des gens qui aiment les belles choses. Parce que c'est pas une affaire de classe d'aimer la beauté. Hein. Il y a des gens qui sont très riches et, mon vieux, ils ont un goût. Hein. C'est pas la peine de sortir avec eux. Et à l'inverse, les autres, ils sont fins. Parce que chaque petite chose qui est suave est appréciée davantage. Voilà la vérité. Me voilà à lire une page des Misérables. Vous vous mettez à applaudir comme des fous une page des Misérables. Pourquoi? Parce qu'il y avait une connivence. Les camarades qui étaient là, ils voulaient dire, vous savez, nous aussi, on lit des bouquins, on n'est pas des bêtes. Vous voyez ça? Bon, c'est des petits détails, hein, c'est des petits détails. Mais moi, j'ai retenu ça. La tâche qui est la nôtre, c'est de faire de ce qui sera un peuple révolté, comme il va l'être en France, parce que, inéluctablement, il se produira en Europe ce qui s'est produit en Amérique du Sud. Inéluctablement. Parce que ce sont les mêmes politiques qui sont appliquées, les mêmes. Celle du FMI, la Banque mondiale, pendant les années les plus dures pour les camarades, c'est la même chose que ce qu'on est en train de manger là. Ça dure 10 ans, là-bas ça a duré 10 ans. Et après, le processus de libération et d'émancipation. Voilà mes camarades. Comme ça va se passer, inéluctablement, on se prépare et on apprend des camarades. Voilà. C'est pas comme le croient les sociolibéraux de toute variété, de tout poil et de toute plume. l'Amérique du Sud, un ramassis d'indigènes folkloriques qui mangent des empanadas et boivent du mojito. Et le reste du temps, vont là, sautillant à toutes sortes de danses exotiques et très sympathiques. Et pour le reste, c'est pas la peine d'en parler. La preuve, c'est que chaque fois que j'en parle, on me dit « Ah oui, mais la France, c'est pas la Bolivie, la France, c'est pas je sais pas quoi. » Une vision européocentrée, méprisante, dominatrice, agressive, souvent par des animaux qui ne savent pas faire la différence entre l'Uruguay et le Paraguay. D'ailleurs, ils savent pas que ça existe. Quand ils savent que ça existe, faut pas la différence. Et ainsi de suite, qui pensent que le Chili est à côté du Mexique et que le Mexique est pas loin de la Terre de Feu. Bon. Comme cette masse d'ignorants américains qui pensaient que toute l'Amérique du Sud était soviétique. Parce qu'à cause du Nicaragua, bah ouais, dans les sondages, il y en avait 60% qui croyaient ça. La culture, l'arrogance, le mépris pour les autres, voilà ce qui fait leur fond de sauce. Donc cette fois-ci, c'est nous qui apprenons. C'est nous qui apprenons de nos camarades d'Amérique du Sud. Nous apprenons beaucoup. Et pour l'instant, c'est dans ce sens-là que les choses se passent. On espère que demain, nous aussi, on pourra mettre quelque chose sur la table qui soit digne d'intérêt. Hein. Voilà. Voilà ce que c'est. Alors, je vais vous dire, depuis ce matin, moi, je suis mort d'angoisse comme si c'était une élection ici. Hein. Vous aussi, hein. Tout ça parce que vous vous êtes raconté en boucle la connerie qu'ils racontent. Le résultat va être serré, comment ils le savent? Mais comment ils le savent, puisque ce n'est pas démocratique? Comment ils le savent? Et comment ils peuvent expliquer à la fois que c'est une tyrannie et une dictature et que ça va être serré? Comment c'est compatible les deux? Parce que si c'est une dictature, c'est pas serré, on gagne large d'habitude, il n'y a qu'à regarder dans les pays africains, comment ça se passe? C'est nous qui organisons ça très bien, je veux dire les Français. D'accord? Oui, il y a des endroits, il n'y a même pas d'élection. Nos amis, là, les Qataris, là, vous savez, les gars là, qui donnent des sous à tout le monde, et notamment à M. Plantu, qui tout à l'heure était en train de raconter des saloperies sur France 5. Il a eu 10 000 euros, M. Plantu, de prix pour la liberté de la presse à Qatar. C'est pas beau, ça? Sa femme a dû avoir 10 000 euros, elle aussi, pour le prix de la liberté de la femme. Non, je blague, hein, parce que j'en sais rien, puis cette pauvre femme, elle y est pour rien, elle, c'est pas lui. Hein. Mais voilà qui c'est qui nous aboie après. C'est tous ces gens, demi-corrompus, à moitié dans la main des agences d'intelligence. Il paraît que le monde veut me faire un procès aussi, parce que j'ai dit du mal de son journaliste. Mais le journaliste, c'est un militant, et qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Que je lui tire les pompes? Non. Il est militant, que je suis militant, je lui dis ces quatre vérités. Mais j'en ai encore sous le coude, hein, pour son service. Voilà. Nous n'avons pas cette forme de mépris arrogant, européocentré, donneur de leçons, cette mentalité néocoloniale qu'ont tant de dirigeants politiques. Et on espère que ce soir, on est tous noués, on sait bien ce qui va nous arriver. Si on gagne, ils ont faux comme d'habitude. Et si on perd, ils vont nous beurrer la biscotte des jours et des jours. Je ne pourrais plus aller à une seule interview sans qu'on me dise « Et que pensez-vous, M. Mélenchon, de la défaite de M. Chavez? Est-ce que ce n'est pas l'échec de vos méthodes, blablabla ?» Je ne serai plus un petit Chavez, là, je serai un gros Chavez. Hein. La preuve, c'est que, bon, mais moi, je suis très fier de ce que je fais, parce que, bah, c'est mon boulot, hein. Si je ne le faisais pas, vous m'en voudriez. Je fais comme vous faites tous dans tous vos domaines, hein. On est tous pareils. Nous sommes lanceurs d'alerte. Alors évidemment, on conflictualise, ben oui, c'est le seul moyen qu'on a de faire réfléchir. Imaginez-vous qu'on n'ait rien dit. La campagne se serait déroulée comme elle s'est déroulée en France. Vous avez remarqué, ils en ont gardé un petit peu sous la main pour mettre lundi. Lundi, vous aurez encore une émission ou deux pour expliquer que Chavez est un corrompu, sa mère, sa sœur, sa femme, ses enfants, son cousin, son voisin, son chien, sa cabane de jardin. Tout est suspect. Tout est suspect. Tout est bizarre. Tout est étrange. Tout pose question. Tout à l'heure, nous avons eu une caricaturiste qui avait représenté un occupant des logements sociaux comme un chien couché dans une niche. C'est drôle, non? Les pauvres, quand on leur donne des logements sociaux, c'est quand vous, comme pareil que quand vous mettez votre chien à la niche. Voilà l'arrogance de classe de ces gens. Et cette dame dit, elle ne veut pas qu'on la filme rentrant chez elle pour pas qu'on reconnaisse la porte. Et le journaliste dit, c'est inquiétant. Oui, bien sûr, Monsieur Plantu, lui, tout le monde sait où est sa porte. Demandez-lui s'il veut qu'on filme sa porte, pour voir. Juste pour voir. Bien sûr que non, dans aucun pays du monde, quelqu'un, cette femme, elle a bien le droit d'être de droite, et même d'être raciste, et même d'être antipopulaire, hein. C'est comme ça, dans une démocratie, il y a de tout. Il y a des imbéciles visibles et des imbéciles très visibles. Ils font des dessins et tout ça. Bon, elle a le droit, mais il ne faut pas nous présenter ça comme un martyr. Elle dit, oui, j'ai été mis en cause. Alors elle prend Twitter et elle monte deux messages où il y a un mec qui lui dit, le bourreau ne demande pas l'accord de la victime. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais moi, s'il faut, je vous sors tous les messages, pas que les messages sur Twitter, hein. Il y a ceux sur Facebook, il y a ceux sur ma boîte aux lettres, puis il y a ceux que je reçois dans ma boîte aux lettres. Est-ce que je vais expliquer que je vis dans une dictature? Non, c'est comme ça, il y a des brins de zinc partout. Mais là, c'était montré, ce que je vous raconte là, c'était ce midi, hein. Et puis encore cet après-midi, puis demain, ça va continuer. Pourquoi ça va continuer demain? Parce que toutes les organisations d'intelligence de l'Empire sont en mouvement. Ils préparent les opinions européennes, pas pour qu'ils votent ou pas de Chavez, personne ne vote ici. C'est pour que les gens acceptent l'idée que c'est normal qu'il y ait des incidents. Voilà, c'est ça que la droite prépare. Ils ont appelé tout le monde à se rassembler dès 4 heures de l'après-midi à Caracas. Ils n'avaient plus fait ça à la dernière élection. 4 heures de l'après-midi pour célébrer la victoire. Quelle victoire? Il n'y aura pas de résultat à 4 heures de l'après-midi. Donc ils préparent la violence politique, comme ils avaient fait la première fois, comme quand ils ont fait le putsch, comme quand ils ont fait le boycott des élections législatives, comme à chaque fois. Et donc, tout le système monde qui est dans la boucle va répétant et déversant ses calomnies. Et il s'agit dans les dernières longueurs, c'est-à-dire dimanche, 3 émissions que j'ai vues sur la même chaîne, hein, des reportages, et lundi, parce que c'est lundi dans la nuit, là, c'est cette nuit qu'on va apprendre le résultat définitif et que les Esqualidos vont faire leur numéro de mannequin, là. Cette nuit qu'ils vont faire ça. Donc demain, il faut que l'opinion soit préparée. Si jamais ça ne va pas trop bien, hein, s'il y a des mouvements dans la rue. Et demain soir, bam, tous les journaux télévisés, résultats contestés, blablabla, etc. On connaît tout ça. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? On se bat, on fait ce qu'on peut. Hein. Donc, les camarades, il va falloir être ferme. Hein, ferme. Moi, je pense que Chavez ne peut pas être battu dans cette élection, de ce que j'ai vu. De ce que j'ai vu. Il y a la masse des quartiers populaires. Ce midi, à la télé, ça me faisait marrer. Ils montraient des gens qui venaient voir M. Capriles, ils n'ont pas été intimidés. Alors il y en avait un paquet qui était là en train de... Bah, normal, une élection, quoi. Alors ils étaient là avec leur banque. Normal, comme chez nous. C'était les mecs de droite. Et puis avant, il y avait les mecs de gauche. Alors ceux-là, c'était des monstres. Ils intimidaient tout le monde, avec leurs casquettes rouges, leurs chemises rouges. Et il y avait une femme qui était là, assez costaud. Hein. Il interviewe, et cette femme, elle commence à dire, « Oui, ce Capriles, c'est un agent de l'impérialisme, c'est... » Je sais pas quoi, la voyeur des Yankees, tout ça, que des choses vraies. Là, là, là, là, là, là, là. Et ce qui me frappait, c'était qu'il lui manquait deux dents. Camarades, riez pas. Ils savent ce qu'ils font, ces salopards. Mais ça se retournait contre eux. Ça me rappelle quand les petits cons du petit journal étaient venus filmer les moches à notre meeting. La haine de classe. Ça commence par ces petites choses-là, la stigmatisation physique. Parce que comme l'a dit notre philosophe, les pauvres sont moches, parce qu'ils ne peuvent pas soigner, parce qu'ils ne peuvent pas remplacer leurs dents, parce qu'ils ne peuvent pas remplacer leurs lunettes, parce que la vie est dure, parce que ce sont des travaux durs qui marquent le corps, l'esprit, la posture. Et moi j'étais ému aux larmes de voir cette femme, parce que tout son corps parlait pour sa vie. Et raconter la libération qu'a représenté le chavisme. Cesser d'être traité comme des animaux, même si c'est dur, ou moins dur qu'avant, et que ça reste dur, mais comme être libre. Y como lo escribaban todos, bajando en Barquisimeto, quand on descendait, comme ça. Moi j'étais sur ce putain de bus derrière, et tous ces gens qui criaient, des visages joyeux, et on voyait d'abord, cette foule, elle avait une couleur, moreno. Et moreno, camarade, c'est comme ça. C'est aussi un signe de classe. Quand vous allez au bistrot, vous buvez votre petit café, vous regardez la télé, ils sont tous blancs, ils ont tous les cheveux blancs, avec du violet dedans. Et tous ceux qui sont dans le bistrot, ils sont tous marrons. Deux mondes. Le monde que l'on voit, comme chez nous, rigolez pas. 2% d'ouvriers sur les écrans de télévision. D'accord? Cette femme, sur les murs de, en allant à Barquisimeto, on avançait, ces gens, ils criaient, jeunes, de toutes les couleurs, comme je viens vous dire, des consignes politiques, consignas, des mots d'ordre, des slogans, de la politique, pas genre, ah, Chavez, je sais pas quoi, là, hein, des choses politiques, tout le long. Il y avait une immense banderole, un endroit était marqué dessus. Somos libres porque somos socialistas. Y eso es el futuro, compadres. Eso es el futuro. La libertad, la emancipación sale de la revolución. Y esta tenemos que hacerla ahora y siempre. Merci, Yaluk. Il y a un Skype là. Bonsoir, vous m'entendez à l'usine ? Oui. Silence. Oui, c'est bon, bonsoir, camarades. C'est vraiment dur de ne pas être avec vous ce soir. Merci à Jean-Luc pour ce discours. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive d'intervenir après lui. C'est peut-être la dernière aussi. C'est toujours un peu compliqué. Bon, tout d'abord, je veux vous dire que, contrairement aux apparences, je ne vous appelle pas d'un endroit exotique. Malheureusement, je ne suis pas en direct de Caracas, mais simplement de la Drôme. Mais voilà, je tenais à être un peu présente avec vous ce soir aussi pour témoigner, justement, Jean-Luc en parlait tout à l'heure, de la délégation de la direction du parti de gauche hein, qui est partie au Venezuela à faire la campagne de Chavez ces derniers temps. Moi, j'y étais la semaine dernière avec Alexis Corbière et avec François Delapierre. Et c'est vrai que si le conflit exerce la conscience, alors je pense que notre conscience politique a grandi depuis, puisque nous nous sommes retrouvés à nouveau, à notre tour, pris dans la tourmente médiatique franco-internationale autour de cette campagne. Alors, ce que je voulais dire ce soir très rapidement, c'est que ce que nous sommes allés faire au Venezuela, en délégation du parti de gauche, c'est pas aller dire aux Vénézuéliens ce qu'ils devaient eux-mêmes penser de la situation dans leur pays, bien entendu, mais au contraire, aller là-bas témoigner de ce qui se passe chez nous, en Europe, et de la manière dont les politiques néolibérales nous impactent. Et ce qui est très fascinant, c'est qu'on s'est rendu compte là-bas à quel point... ce qui se passait au Venezuela faisait écho avec ce que les combats que nous, on mène ici en France et dans l'Union européenne, à quel point ce qui est dans le programme de Capriles, qui se présente comme un bon social-démocrate, en réalité, son programme est un programme ultra-libéral de droite orthodoxe, et il comporte à peu près tous les points contre lesquels nous, on se bat depuis la création du PG, depuis 4 ans, que ce soit la retraite par capitalisation, contre laquelle on est descendu dans la rue en 2010, que ce soit l'indépendance de la Banque centrale vénézuélienne, ça doit vous dire quelque chose par rapport à la BCE et au combat qu'on mène ici contre le traité budgétaire européen, ou encore que ce soit par rapport à la délégation privée de la gestion de l'énergie et notamment du pétrole au Venezuela, qui fait écho là aussi à nos revendications en faveur d'un pôle public de l'énergie. Donc voilà ce qu'on est allé dire. Au Venezuela, voilà ce dont on est allé témoigner dans différents médias, mais aussi dans un forum qui a eu lieu à Caracas sur le néolibéralisme européen et le socialisme vénézuélien, et qui était un forum très intéressant où on a pu échanger justement avec des intellectuels aussi vénézuéliens sur ces sujets-là. Et puis évidemment, on en est revenu aussi avec, comme le disait Jean-Luc tout à l'heure, une source d'inspiration, de radicalité concrète, pour continuer à élaborer aussi et à enrichir notre programme de gouvernement d'un front de gauche. Et je crois que par rapport à ça, tout ce qui a déjà été fait au Venezuela en matière d'augmentation du salaire minimum, en matière de réduction du temps de travail, et puis bien sûr toutes les missions sur les questions de santé, sur les questions d'éducation, sur les questions de construction de logements sociaux, et ben voilà de la mise en œuvre très concrète de des belles théories que certains à gauche ne voient que comme des discours. Ben là, on les voit en pratique, on les voit à l'œuvre. On voit aussi d'autres coopérations interrégionales qui se mettent en place avec l'ALBA, avec la monnaie commune du sucre. Et je crois que voilà, tout ça doit nous inspirer. On a besoin de ce point d'appui et c'est aussi pour ça, évidemment, que la victoire de Chavez pour nous ce soir, elle est très, très importante pour Chavez, pour le peuple vénézuélien, mais aussi, surtout, peut-être pour nous et pour ce qui se passe, ce qui se joue aujourd'hui au niveau de l'Europe. Voilà ce que j'avais envie de vous dire ce soir, camarades, et je vous souhaite en tout cas une très, très belle soirée. Merci Corinne, merci. Merci. Nous allons faire un lien indirect avec le vice-ministre des Affaires étrangères de Venezuela, qui est là. Donc on va faire un dialogue entre Jean-Luc, qui gentiment a accepté d'être encore avec nous là. Ça passe par là. C'est bon pour la communication. Jean-Luc, voilà. Jean-Luc, le vice-ministre. Allez, on crie fort là, comment c'est notre consigne ce soir. Jean-Luc, voilà. Bravo, on écoute là. Hola, Temir. Aquí Hola. Está angustia, hombre. Vous avez raison. Chavez no se va. A ver. Regarde, on est là depuis le début de la soirée. Bon, là, nos rangs commencent à s'effilocher. On a bien mangé, bien bu tous ensemble, fait des discours. Et on est dans l'angoisse. Qu'est-ce qui va se passer? Raconte-nous ce qui se passe. Comment tu as vu les files devant les bureaux de vote? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, bah, d'abord, un grand, grand, grand, grand merci à tous vos camarades à Paris et en France qui mobilisent. Voilà, on se sent honoré et puis en même temps appuyé de voir une telle mobilisation et un tel souci de solidarité manifesté dans différents points de la planète et spécialement en France avec nos camarades de toujours qui, on l'a vu très récemment, voilà, Jean-Luc, Ignacio, vous avez fait des prises de position publiques très claires et très franches. Je vois aussi d'autres camarades du parti de gauche qui nous ont récemment rendu visite ici à Caracas et au Venezuela. Et donc voilà, je pense que déjà, ça montre qu'on franchit des barrières, on franchit des a priori politiques, etc. Et on se reconnaît enfin comme les mêmes causes, voilà, des militants internationalistes, qui est la cause de... nous disons clairement la cause du socialisme, mais aussi la justice sociale, de la construction de la démocratie participative, enfin la cause de la construction d'une démocratie où le peuple enfin reprend les destinées et prend le cours, la conduction du cours politique de la société enfin entre les mains. Écoutez, aujourd'hui, le 7 octobre, bah, je vais être direct, les chiffres sont bons dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il est à ce moment à 16h, et nous avons, avec les chiffres, enfin, évidemment le suivi, l'utilisation de la rue, les queues. On a une part très importante, un niveau de participation très élevé, de participation. À 14, nous avions utilisé, et quand je dis stabilité, on utilise non, pas le conseil, pas nos sondages à la société nous donnait déjà une participation de 60% à 14h. Il faut savoir que le scrutin se déroule officiellement jusqu'à 18h, mais que sur votre vote, il reste encore des votants qui font la queue, resteront ouverts. Donc il ne serait pas étonnant qu'il passe ou qu'on atteigne les 80% de participation dans cette élection. Un record absolu des élections. Voilà, que dans l'histoire, soit déroulé dans l'histoire du Venezuela. Un deuxième. Qu'est-ce que tu en penses, Témir ? Ce sont les quartiers populaires qui votent ou bien les escualidos des beaux quartiers ? Alors, écoutez, l'abstention joue historiquement contre nous. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une mobilisation très importante, cela nous favorise. Ce qu'on voit dans les résultats qu'on a sondés jusqu'à présent, vous savez, on n'a pas de résultats concrets parce que le Conseil national électoral nous donnera les chiffres après 20 heures, mais à 14 heures, nous avions une avance solide et soutenue de 10 points. 10 ouais. points d'avance. Et oui. Tu sais, ici, c'est l'angoisse, hein, Témir. Ici, ça commence à bien faire, le suspense, là. Si c'est l'angoisse à Paris, imaginez comment c'est à Caracas. On en a pris plein la gueule toute la semaine et aujourd'hui encore toute la journée sur les médias. Bien sûr, mais juste pour vous expliquer quelles sont les raisons de notre enthousiasme. D'abord, parce qu'il y a eu une mobilisation très forte et comme je vous le dis, ici, les classes moyennes et les classes favorisées votent toujours en masse, spécialement quand il s'agit d'une élection présidentielle, puisque vous le savez, la mobilisation de la haine contre notre gouvernement et spécialement contre le président Chavez est telle qu'il y a des mécanismes d'incitation à la participation. Dans les beaux quartiers, il n'y a pas besoin de coups de fil ou d'organisation collective. Oui, chez nous, pareil. Chez nous, pareil. Là, les bourgeois descendent voter. La droite vote. Voilà. Et elle a voté en masse. Elle a voté très tôt. Et on faisait tout à l'heure un sondage dans les quartiers de l'Est de Caracas. Et on avait trouvé des niveaux de participation avant 16 heures. Dans certains bureaux de vote, de 89%. Wow. Donc, il y avait déjà un vote de 89%. Ça, c'est le travail que vous avez fait pour la campagne avec la librette à uno por diez. Non, je dis dans les beaux quartiers. Ah, tu parles des beaux quartiers. Et les nôtres, alors ? Et dans les nôtres, ce qui est important de savoir, c'est que ce que je voulais transmettre, c'est que vers 16h, 16h30, tous les bourgeois ont déjà voté. Et les beaux quartiers, il y a une affluence très importante de votants. Donc, on devrait, dans cette fin d'après-midi, consolider l'avance et très probablement l'élargir un peu. Donc, Jusqu'à quelle heure vous votez, Témir ? Donc, nous votons jusqu'à 18h, à moins qu'il y ait des électeurs qui font la queue juste avant 18h, c'est-à-dire si quelqu'un se présente avant 18h et que la queue se maintient, tant qu'il y aura des gens dans la queue, le bureau de vote restera ouvert. C'est pour ça que je vous dis, dans l'électorat de droite a déjà voté. Notre impression est qu'il reste leur réserve de voix est très très faible et que l'essentiel du vote après 16h30 et jusqu'à 18h et au-delà sera un vote qui nous sera favorable et qui devrait en principe donc consolider cette avance qu'on a constatée dans le courant de la journée. Tu penses qu'on peut avoir 10 points d'écart, c'est possible ça ? Oui, c'est possible. C'est possible de consolider une avance de 10 points d'écart. Parce que ici ils ont fait campagne toute la semaine à partir de Rago sur l'idée que l'écart était très faible Et nous, on a eu l'impression qu'il préparait un mauvais coup avec la convocation des électeurs à venir fêter la victoire dans l'après-midi, plus la presse française qui est en majorité liée au Gusano et qui fait de la propagande, tu vois. On avait l'impression qu'il préparait l'ambiance d'un putsch. D'accord. Si vous voulez, je vais essayer de résumer. Il y a des raisons objectives pour que la droite, et en particulier pour que le candidat Capriles soit, je dirais d'une certaine manière, satisfait indépendamment des résultats, pour une raison très simple, c'est que leur campagne a été, bien qu'une campagne mensongère et évidemment de détournement de la réalité en se présentant comme un candidat de centre-gauche, etc., etc., ça a été une campagne intelligente. C'est-à-dire que c'était une campagne mensongère, droitière, mais intelligente, au sens où justement ils ont enfin compris qu'il fallait séduire l'électorat populaire pour avoir une chance de gagner une élection. Donc, d'une certaine manière, ça donne, si vous voulez, de notre côté, une satisfaction, mais qui est une satisfaction plutôt idéologique. Il faut aujourd'hui prétendre être socialiste au Venezuela pour avoir une chance de gagner une élection. Ouais. C'est déjà toi. En France, c'est pareil. En France, c'est pareil. C'est un chiste. Enfin. Enfin, il y a ça, et d'un autre côté, voilà, c'est, malgré le fait que cette campagne ait été mensongère, voilà, l'accompagnement médiatique et voilà, une certaine intelligence dans l'élaboration de ce mensonge a donné de l'élan à la candidature de droite, ce qui fait qu'on n'est plus dans une configuration comme en 2006, où notre écart a été un écart extrêmement fort et d'une certaine manière, le candidat de la droite, même perdant, pourrait voir ainsi assise son autorité ou son leadership au sein de la droite. Comme vous le savez, il est ici composé de plein de courants différents. Alors, il y a des perceptions différentes sur ce qui peut se passer après, parce que si ce garçon, il a 40 ans, est intelligent, il devrait comprendre ça et plutôt jouer la carte du moyen terme et non pas tenter une aventure qui le ferait, dans laquelle il risquerait beaucoup et surtout de jeter par dessus bord ce leadership qu'il aura consolidé au sein de la droite. Mais c'est vrai que d'un autre côté, il y a un électorat de cette droite-là qui est très radicalisé et qui est absolument convaincu que la victoire est à sa portée et qui s'accommodera très mal des résultats qui seront annoncés. Soit. Ceci dit, pour être honnête, je dois vous dire que l'ambiance et ce qu'on a pu capter de la part de Capriles jusqu'à cette heure-ci est plutôt position institutionnaliste. Et pas pour l'instant perçu de dérapage, mais enfin bon, il faut le dérouler de la journée. Mais nous, vu depuis ici, c'est pas l'impression qu'on a eue, tu vois, parce que je me souviens qu'à la précédente élection présidentielle, le candidat de la droite et des sociaux-démocrates qui avait été battu avait immédiatement reconnu sa défaite. Et ça avait été un immense soulagement pour tout le monde. Et cette fois-ci, nous, on a eu l'impression qu'il y avait vraiment une montée en puissance, comme si se préparait un coup. Et tu es parmi les premiers à nous dire qu'en réalité, le candidat de la droite et des socialistes et de l'extrême droite est plutôt constitutionnaliste et n'irait pas dans une aventure, parce qu'en effet, ce serait une aventure. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Je vous le dis simplement parce que l'impression qu'on a, c'est que ce résultat son résultat sera meilleur que celui de son prédécesseur, et que donc il pourrait jouer cette carte afin d'asseoir son leadership au sein de l'opposition. Oui, parce qu'il y a un gros problème de leadership dans l'opposition, ce qu'ici on ne sait pas. Hein. Parce qu'en France, on nous présente les choses comme le diable Chavez et en face, il y aurait un peuple uni, d'accord, contre. En fait, ici, il n'est dit nulle part qu'en réalité, le candidat Capriles est à la tête d'une coalition hétéroclite qui va de l'extrême droite aux socialistes et que c'est la vraie pagaille, quoi. Donc, il a marqué un point parce qu'il a assuré un leadership sur l'opposition. Ça, tu as raison, c'est un facteur très important et nouveau. Dis, tu as le doigt tout violé, c'est parce que tu as voté ? C'est parce que j'ai voté. J'ai voté à 6h30 du matin. Tout le monde t'applaudit ici. Et pourquoi tu fais ça ? Vous mettez tous votre doigt dans l'encre ? Oui, oui, oui. Apparemment, c'est pas extrêmement bon pour la peau. Mais oui, on introduit notre doigt dans un liquide d'abord qui permet de fixer cette encre indélébile. Et ensuite, on sèche un peu le doigt et puis on le trempe dans l'encre. C'est un peu la... Vous savez, il y a le système... Non mais attends, c'est très intéressant parce qu'ici, on nous raconte toutes sortes de choses sur la dictature et tout ça. Mais je sais, dans notre pays, on ne fait pas un truc pareil parce que là, vous restez avec un doigt violé pendant combien de temps ? Tu ne peux pas voter deux fois ? Non, et en plus, ça, c'est une réminiscence du système de vote manuel. Parce qu'en fait, c'est vrai ce que tu dis, mais le système vénézuélien se caractérise par une série de doubles contrôles. C'est-à-dire qu'on a construit un système qui est aujourd'hui totalement automatisé, vraiment totalement, depuis l'identification de l'électeur, parce que le registre électoral est fait sur des données biométriques. Donc, on met non pas seulement son petit doigt, mais son pouce sur une machine. Et dis donc, si on faisait ça ici, tout le monde gueulerait. Hein. C'est ça qu'on appellerait de la dictature. Hein. Les fichiers biométriques, ça va, les gars. Hein. Mais ici, sauf que ce ne sont pas des fichiers qui se croisent, mais en fait, c'est un fichier biométrique qui garantit en réalité qu'on, lorsqu'on, avant de voter, avant de voter pour libérer justement, pour avoir la possibilité d'utiliser la machine à voter, on doit mettre son pouce sur un lecteur biométrique, donc qui certifie que la personne qui se présente est celle qui est inscrite dans le registre électoral. Ensuite, on vote en choisissant son option sur une sorte de carte numérique. Et sur un écran, cette option se présente devant l'électeur. Donc moi, vous êtes trop intelligents pour nous, là, les Vénézuéliens. C'est trop pour nous. Nous, on a des bouts de papier, on reconnaît des sigles, tu sais. Hein. On est des primates, ici. Mais... Je sais pas si c'est des primates, mais en tout cas, vous avez un système qui permet la fraude électorale et qui ne repose que sur la bonne foi de ceux qui sont présents à toutes les étapes. Ceux qui, évidemment, au Venezuela existent aussi. Il y a des témoins, il y a des représentants des partis qui sont présents lors de l'acte électoral, mais ce qu'il n'y a pas, c'est de manipulation humaine des résultats, parce que on fait ça, voilà, on voit Chavez sur un écran et on appuie sur cet écran tactile sur un bouton qui dit voter et le vote est enregistré électroniquement, numériquement. Mais rassure-nous, on voit pas que Chavez sur l'écran. On voit que Chavez quand on appuie sur Chavez. Ça c'est aussi rassurant. Mais après, donc, on a un petit bout de papier qui est imprimé par la machine et on dépose le bulletin dans l'urne. Donc, on vote deux fois. Tu votes deux fois, alors ? Oui, mais je l'ai mais vu, ça, moi, ça. J'ai vu Chavez voter. Il met le doigt dans la machine électronique et après, on l'a vu mettre des bulletins en scie. On ne comprenait pas ce qu'était tout ce cirque. Vous votez deux fois. Non, on vote une seule fois, mais il y a deux traces de chaque vote. Donc, et à chaque fois, le résultat qui est émis par la machine est contrasté avec le décompte des bulletins qui se fait, on décompte 53% des urnes, ce qui est statistiquement très très élevé, absurde. On fait au Venezuela une élection et demie, c'est-à-dire dans 53% des bureaux de vote, on compte non seulement le résultat de la machine, mais aussi le résultat de ce qu'il y a dans les bulletins. Et la concordance à chaque fois, et fonctionne la concordance. Vous oui. êtes content du rapport entre les deux? Absolument. À chaque fois qu'il y a un problème, c'est parce qu'on a mal compté les bulletins. Et on recompte. Donc jusqu'au moment où on se rend compte, évidemment, c'est très bête pour une machine de compter des voix. Vous savez, ce n'est pas une opération mathématique très compliquée. Et on ne pourrait pas avoir une délégation vénézuélienne qui vienne dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais à Hénin-Beaumont? J'ai l'impression que ça nous aiderait vachement au premier et au deuxième tour. Parce qu'il y a un recours là-bas. Ah, nous, on est bien disposés à le faire. Vous pouvez venir parce qu'on est un pays sous-développé, démocratiquement, et on a besoin que les Vénézuéliens, qui vivent sous une dictature absolument curieuse, viennent nous expliquer comment faire. Ben voilà. Je vais proposer ça à Madame Le Pen et aux socialistes, puisqu'ils sont tous copains comme cochons là-bas. Eh oui. Et oui, et sûrement pour ça, ils ne sont pas disposés à avoir un système électoral qui n'admet pas les tripatouillages. Monsieur le ministre, vous avez un drôle de t-shirt. Je crois que j'ai le même. Voilà. Et oui. Vous voyez là, les camarades? Vous voyez ce qu'il y a sur le t-shirt? Ce sont les yeux de Chavez. Il vous regarde. Ah non, on n'aime pas ça, nous, qu'on nous regarde, nous, ici. Attends. Tu es chez les Gaulois, là, Témir, tu les connais, hein? Nous, on est libertaires de cœur. Eh oui, eh oui, eh oui. Mais nous aussi, hein. Chavez est un rebelle. Tu es dans ton bureau, là, monsieur le ministre, hein? Tu es dans ton bureau, là? Non, je suis dans le... C'est encore pire, je suis dans le bureau de mon chef. Waouh. Et derrière toi, là, c'est le portrait de Simon Bolivar qu'on voit derrière toi? Non, de l'autre côté. Là, c'est... Juste derrière, c'est le portrait de Francisco de Miranda. Waouh! C'est un général français. Voilà. Et de l'autre côté, waouh, ouais, ouais, on voit. Et de l'autre côté, c'est le maréchal, le grand maréchal d'Ayacucho, Antonio José de Sucre. Ah, de Sucre. De la Bolivie. Et aussi le... Un des précurseurs de la liberté, de l'indépendance latino-américaine. Donc là, nous sommes dans le bureau du ministre des Affaires étrangères, dont tu es Nicolas Maduro, dont tu es le vice-ministre. Et dans le bureau, on a donc comme illustration Miranda et Sucre. Et on a Bolivar là-bas. Qui ça, là? Bolivar. Simon Bolivar. Bolivar, OK. Parce que, vous savez, Sucre a été, pour nous, le premier diplomate, puisqu'il a... Il a régularisé, c'est le premier qui a régularisé la guerre avec les Espagnols, un traité de régularisation de la guerre qui a permis justement d'introduire des règles pour le traitement des prisonniers, etc., qui a régularisé la guerre. C'était le premier acte diplomatique, d'une certaine manière, de la Venezuela républicain. Et c'est trois des principales figures des Libertadores en Amérique du Sud qui sont là. Absolument, absolument. Il nous manque Marti, c'est ça? C'est vrai. Mais il est San pas Martin. Dans cette... Il n'est pas dans ce bureau, mais c'est justement il y a 2 ans qu'on a créé ici un salon des Libertadores sociaux, on l'a appelé comme ça, où est présent le Che Guevara, Salvador Allende, Artigas, aussi, pardon, on m'appelle ici, Raúl Sendic, le fondateur des Tupamaros en Uruguay. Waouh! Ils sont tous présents. Et ça, on s'appelle le balcon depuis lequel on a déclaré l'indépendance du Venezuela. Là, à côté. Oui, c'est cette fenêtre que vous voyez là. C'est la première indépendance d'Amérique du Sud. Alexis, il y était à ce balcon. Il y a quelques. Oui, oui, c'est vrai, Alexis y était. Alexis y était. Bah, ceci dit, il faut d'Amérique du Sud, oui. Mais rappelez-vous, il y a eu la République d'Haïti quand même. Oui, oui, oui. C'est dans les. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Pour les Caraïbes, mais pour le continent. C'est vrai. Là. C'est vrai, c'est ici que ça s'est passé, et c'est dans cette salle qui était en fait c'était le bureau du représentant du roi d'Espagne. Y por qué no se calla este? Aquí ya se cayó. Se callaron hace mucho tiempo. Bon, écoute, enfin, voilà. Tamir, on t'est très reconnaissant de nous avoir accordé quelques instants. Ici, c'est la nuit à Paris. Il est 11h moins 5 de la nuit. Et oui. Bon, voilà, on est très heureux de t'avoir vu. On est un peu orgueilleux de voir que tu parles un français magnifique. En réalité, ce que les gens ne savent pas dans cette salle, c'est que tu es un de nos énarques, bien français. tu m'as dénoncé, là. Oui. Mais on voit qu'on peut être énarque et révolutionnaire. Ceux qui commençaient à me trouver sympathique tout à coup, tu vois, comme un. Elle est froide. Hein. Non, tu nous es très sympathique et nous, c'est un moment d'orgueil national absolu, là, de te voir. Bonne chance à vous tous. Merci du moment que tu as voulu nous consacrer. On t'applaudit et hasta la victoria. Esperamos. Merci à vous. Escucha. Voilà. Magnifique. De cœur avec vous. Merci beaucoup. Adios, Temir. Bonne chance. Hasta mañana. Y hasta la victoria. Hasta la victoria. Un abrazo. Abrazo. On va avoir un direct là sur Skype avec Christophe. Donc vous pouvez rester sur scène hein, parce que ce ne sera pas trop long. Et comme ça, on peut reprendre. Pardon. Allô, allô? Allô, Christophe? Christophe? On essaye de faire un lien indirect. Je vous explique. Christophe Ventura, il est à Venezuela. Il est dans les processus d'élection. Allô, Christophe? Oui? Tu m'entends bien? Oui, moi, je t'entends très bien. Voilà, Christophe. Tout le monde est là, on est plus de 150 personnes ce soir et on veut savoir qu'est-ce qu'il passe là-bas. Bon, mais bonsoir à toutes et à tous, camarades. Moi, déjà pour te préciser où je suis pas dans la capitale Caracas, je suis dans un état qui s'appelle l'état de Táchira, dans la ville de San Cristobal, qui est un état, en fait, qui un état gouverné par l'opposition dans lequel Chavez devrait faire un de ses moins bons scores, qui est un état très, très, très lié à l'opposition, et qui est à la frontière de la Colombie, qui est un état particulier, puisque c'est ici que le Venezuela souffre beaucoup des questions de paramilitaires, de narcotrafic et aussi de marché noir, qui posent beaucoup de problèmes pour le gouvernement vénézuélien. Donc, c'est pour vous planter un peu le décor. Comment ça se passe ? Écoutez, moi je suis vraiment impressionné d'abord par la participation et puis la sérénité qu'il y a dans cette élection. Depuis ce matin, les gens ont commencé à venir à partir de 4h du matin. Moi j'ai commencé à en suivre quelques-uns à partir de 6h. Il y avait déjà des queues qui se formaient devant les bureaux de vote. Et ces queues atteignent vraiment des centaines et des centaines de mètres, des milliers de personnes qui, très patiemment, tranquillement, eh bien, attendent d'aller dans le bureau de vote pour mettre leur bulletin dans l'urne, qui est ici une urne électronique. C'est un système qui est différent du nôtre. C'est un système électronique dont... comment s'appelle-t-il déjà ? Ah mince, j'ai un trou. L'ancien président américain. Carter. Jimmy Carter a défini comme étant certainement le système le plus efficace au monde récemment, la semaine dernière. Donc ce qui me frappe, c'est ça, le décalage qu'il y a entre ce qu'on a pu lire dans la presse, en particulier chez nous, sur l'espèce d'hystérie médiatique qui nous annonçait un chaos lors du vote, avec un climat absolument détestable, une tension palpable, etc., même voir un vote non transparent, eh bien, c'est absolument le contraire qui est en train de se passer ici. En tout cas, moi, je parle de ce que je vois dans cet état, qui est pourtant, en plus, pas un état, disons, pro-Chavez, mais c'est tous les infos que j'ai, tout ce qui nous remonte par l'ensemble du Conseil national électoral et le groupe des observateurs internationaux convergent vers cette idée-là, c'est-à-dire une grande tranquillité, une sérénité, et les gens se préparent à attendre que les bureaux de vote les accueillent pour pouvoir voter. Alors, je pense qu'on aura les résultats vers les 3-4 heures du matin pour vous. Vers quelle heure? Je pense que pour vous, les résultats interviendront dans la nuit, certainement autour de 3-4 heures du matin, c'est-à-dire au mieux et au plus tôt ici, je pense, vers les 21 heures locales. Hein. Il faut savoir qu'ici, il y a à peu près, doit être 15 heures et quelques, 3 heures, je pense. C'est ça. D'accord. Christophe, donc, il y a des décalages horaires. Ici, les bureaux de vote sont censés fermer à 18 heures. Mais la loi électorale indique que tout électeur qui ne serait pas passé avant 18 heures, a le droit de voter. Donc, les bureaux de vote sont obligés d'accueillir jusqu'au dernier votant. D'accord. Christophe, as-tu, nous avons une information comme quoi il aura 10% de différence. On aura 55-45. Qu'est-ce que tu as des infos sur ça? Alors, oui, mais il faut rester prudent, hein, comme d'habitude, comme on dit, la formule consacrée. Vous savez, les derniers sondages indiquaient une avance pour Chavez entre 7 et 13 points. Ça, c'était avant le vote. Donc, dans des eaux qui mettaient Chavez, disons, autour de 55 ou un peu plus, et Capriles autour eh bien, de 45 ou un peu plus. N'oubliez pas qu'il n'y a que deux candidats, ils sont 7 candidats, hein, même si les 5 autres vont simplement avoir certainement quelques parcelles de vote et en tout cas se partageront pas plus que 1 ou 2 points. C'est pour ça, il faut le savoir. Donc, les sondages de Chavez avec 7 à 13 points en avance. Ce qu'on commence à entendre ici et qui a été révélé par le Huffington Post sur son site.fr, dont je vous ai transmis d'ailleurs le lien par Twitter, ouais, c'est que Chavez atteindrait plus de 55,8% des voix et Capriles 43 et quelques. Bon, ce sont les premiers sortis des urnes, donc ce sont les tout premiers, il faut les prendre avec grande prudence. Mais ça semble aller à peu près converger dans la tendance générale qui est celle qui est pointée ici depuis maintenant une semaine par tous les analystes et y compris les acteurs eux-mêmes. Hein. D'accord. Christophe, une autre chose, on sera pendant la soirée, on a le temps, on va t'attendre jusqu'à 3h du matin, mais qu'est-ce que tu en sais de la manif qui a été appelée à 4h par Capril à Caracas? En fait, c'est pas très clair cette affaire, hein, parce que Capriles n'a pas directement appelé à cette manifestation, il est trop malin. Il faut savoir que le bloc à droite est sous une certaine pression, parce qu'effectivement, il y a des secteurs à l'opposition qui poussent pour des formes de non-reconnaissance ou de déstabilisation du vote. Il faut s'en méfier, il pourrait y avoir des foyers comme ça qui essaieront peut-être de foutre le bordel, de ne pas reconnaître le vote. Mais c'est trop tôt pour savoir si on est dans une configuration où ce sera minoritaire, marginal, ou si ça va être amplement suivi par l'ensemble de la droite. Ce n'est pas évident, honnêtement, pour l'instant, de savoir. En tout cas, avec les discours de la droite et de Capriles qui sortent à peine maintenant de conférence de presse, d'accord, sont plutôt dans l'idée d'une reconnaissance des résultats. Ok. Bon. Écoute, on reste en contact, on revient à la musique, nous, on revient à la fête, on t'embrasse très fort, et on merci, t'envoie des mojitos, et bon merci, courage à toi, et à tout à l'heure. Merci. Muchas gracias, buenas noches, que sigamos celebrando. Merci, merci Polo, c'était vraiment magnifique. Et là maintenant, je vais laisser très vite la parole à Farid Fernandez, qui est conseiller de l'ambassade de Venezuela. Merci beaucoup. Bonsoir. Alors, vous m'excuserez si je ne vois que la moitié de la salle. J'ai un petit accident domestique. Heureusement, c'est pas grave. Alors, c'est vrai que la lumière est... Je vais m'avancer un petit peu pour ne pas être gêné par la lumière. Alors, je voudrais avant tout vous remercier. Voilà, je voudrais remercier le Front de Gauche. Je voudrais remercier l'ensemble du peuple progressiste de France qui nous a accompagnés, non seulement pour cette élection, mais pour nos nombreuses luttes, et dont nous savons qu'il sera là pour nous accompagner pour nos luttes à venir. Alors, j'aimerais bien pouvoir avoir avec moi, ici, nos amis présents. Je pense en particulier à Obey, du Parti communiste français. Martine, on m'a dit que tu serais aussi volontaire. Martine Billard, je ne sais pas à moi de la présenter ici quand même, président du Front de Gauche. Nos amis de l'ambassade d'Équateur, de l'ambassade de la République de Cuba, qui méritent autant que moi un applaudissement, car leurs luttes sont nos luttes. Alors, je vais pas m'étendre, hein. je vous ai remercié déjà, je vous remercie encore une fois. Je sais que vous avez suivi de très près la campagne présidentielle, je sais que beaucoup ont tremblé par crainte du résultat, mais heureusement, nous avons gagné et Chávez no se va. Rapidement, je voudrais vous dire quatre choses. Premièrement, que la réélection de Chavez va nous permettre au Venezuela de poursuivre la construction du socialisme. En termes de politique intérieure, ça nous laisse 6 ans de plus pour travailler et faire en sorte que, comme l'a dit Simon Bolivar il y a 2 siècles, nous puissions atteindre la meilleure forme de gouvernement possible, qui est celle qui apporte le plus de félicité à son peuple. Deuxièmement, vous dire que la réélection de Chavez a aussi son importance sur le continent latino-américain. Et mes amis sont là pour en témoigner. La réélection de Chavez va permettre d'asseoir les progrès des gauches dans les différents pays d'Amérique latine, peu importe la manière ou par qui ils sont gouvernés, nous avançons ensemble. La troisième chose que je voudrais vous dire, c'est que nous devons dialoguer. Nous devons échanger toujours plus, car les défis auxquels est confrontée l'Europe dans la crise économique sont les défis auxquels nous avons été confrontés pendant les 3 dernières décennies, et que l'offensive du néolibéralisme ici en Europe ne nous est pas étrangère. Nous la connaissons et nous avons développé des alternatives pour lutter contre elle, et nous sommes à votre disposition pour dialoguer ensemble aux manières de pouvoir combattre ensemble ce fléau commun. La quatrième chose que je voudrais vous dire, c'est que la réélection de Hugo Chavez au Venezuela a aussi son importance géopolitique pour l'équilibre dans notre monde que l'on appelle aujourd'hui le monde globalisé, mais qui pour nous, il a été globalisé dès 1492. Dans ce monde-là, la réélection de Hugo Chavez permet justement de continuer à permettre l'émergence d'un monde multipolaire. Ce sont un peu, je crois, les 4 angles de lecture qui peuvent intéresser à la fois les peuples latino-américains et vous ici présents. Je ne vais pas m'étendre plus que ça. Je vous remercie de votre soutien. Je voudrais vous dire que nous sommes très privilégiés ici en France, car je ne connais pas d'autres pays d'Europe occidentale ou même d'Europe dans son ensemble où nous puissions compter sur un soutien aussi unanime et aussi généreux de la gauche dans son ensemble. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais passer la parole à nos amis. Je ne sais pas par qui commencer. C'est à vous de décider dans le Front de Gauche. Et avant de passer, donc peut-être à Obey, avant de passer la parole, merci aussi aux amis de l'usine qui ont rendu possible cette soirée et la soirée de dimanche dernier. Merci au Front de Gauche latino et merci à l'ensemble de la solidarité qui s'active, telles des fourmis dans une fourmilière, qui sont parfois la face cachée de ce que des gens comme moi et des gens encore plus prestigieux peuvent vous dire comme bêtises, mais sans qui rien ne serait possible. Merci à tous. Viva Chávez! Moi, merci Farid et merci aux amis de l'usine. J'espère que ça va durer longtemps parce que c'est un lieu où on trouve vraiment la chaleur et la solidarité et la fraternité. Et moi, j'ai pris quelques notes vite fait parce que je n'avais pas prévu vraiment des. Et ça m'a pris un peu par surprise. Donc, je vais essayer de me débrouiller avec les micros et mes notes. Et alors, d'abord, je voulais commencer. Hier, on a reçu donc Isaías Rodríguez, qui est aujourd'hui ambassadeur du Venezuela en Italie et ancien vice-président du Venezuela. Et il nous a dit cette élection me rappelle l'élection de 98. C'est quelque part, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'en 1998, on a eu une coalition des vieux partis traditionnels, complètement discrédités après le Caracas en 1989. Et Chávez a dû faire face donc à cette coalition qui essayait de récupérer le pouvoir perdu et ses privilèges, enfin récupérer, sauver à l'époque. Et là, cette année, ce sont les mêmes, finalement, qui sont ensemble et qui essayent de gagner à nouveau donc, tous ces pouvoirs qu'ils avaient et de récupérer leurs privilèges. Ce sont les mêmes qui ont essayé le coup d'État. Ce sont les mêmes qui ont demandé ces référendums révocatoires et qui se sont fait battre, mais alors là, bien battre. Et ce sont les mêmes qu'aujourd'hui, la presse, notamment en France, présente comme des grands démocrates. Et donc, ce sont des choses que j'aurais bien voulu voir dans la presse, et bien évidemment, on a surtout évité de le rappeler. Mais Chávez, cette fois-ci, encore une fois, il progresse. Et à chaque fois qu'il s'est présenté, il avance. Je regardais, en 98, il avait fait plus de 3,5 millions de voix. En 2000, 3,775,000. En 2006, il est passé à 7,3 millions. Et là, il est à 8,136 millions et quelques. Donc, petit à petit, oui, effectivement, arrivé aux 10 millions promis. Mais c'est un vote. Parce qu'on a dit, oui, mais Chávez, dictateur, on s'attendait à tout, quoi. Mais je pense que c'est un vote, d'abord, qui montre l'attachement du peuple vénézuélien à la révolution bolivarienne en cours. C'est-à-dire, la majorité des Vénézuéliens ont dit oui, il faut qu'on continue. Alors qu'on nous a tellement dit que ça n'allait pas, enfin, qu'on risquait de voir justement l'échec donc, du mouvement. Et c'est donc la volonté d'aller plus loin dans le socialisme, chose confirmée par Chávez lui-même. Et hier, avant-hier, il a dit d'une façon assez claire. Et donc, moi, je pense surtout que c'est surtout parce que les Vénézuéliens ont vu en Chávez la garantie de la continuité dans sa personne, la garantie de la prise en compte de toutes leurs préoccupations, parce qu'il faut le dire, ça existe. Les Vénézuéliens ont des préoccupations parce que même 15 ans après la victoire de 98, l'héritage du néolibéralisme reste là. Et s'il y a des problèmes de sécurité et des corruptions, c'est bien l'héritage du néolibéralisme. Et ça, il faut le dire. Ce n'est pas quelque chose qui est né avec la révolution bolivarienne. Donc, ça, c'est une chose, mais en plus, c'est bien la garantie d'aller plus loin dans les conquêtes qui ne s'arrête pas. C'est-à-dire que s'il l'a gagné, c'est bien parce qu'il ne s'est jamais arrêté. Il n'y a pas de pause. Après, Capriles, il avait dit oui, mais il fait des cadeaux, il donne du pétrole. Les Vénézuéliens ont dit oui à cette intégration-là. Et surtout, ils ont dit non à ce qu'il proposait Capriles. C'est-à-dire, quand il dénonce les soi-disant cadeaux, c'est parce que Capriles, il a dans sa tête une idée de l'intégration qui est celle d'ALCA, c'est-à-dire de l'accord de libre-échange des Amériques proposé par les États-Unis. Et donc, c'est l'intégration du libre-échange. Et surtout, c'est celle qui voit dans PVDSA, la compagnie pétrolière, et une compagnie privatisée, au service des capitaux. Et bien, tout ça, c'est aujourd'hui un échec, clairement un échec. Et, bon, bien évidemment, maintenant, on voit toute cette droite, et pas que la droite vénézuélienne, mais la droite ici même et les médias. Et pleurnicher avec leurs larmes des crocodiles. Et après, dans le mois des campagnes dans les médias, et je pense bien aux médias européens, pas que français, mais ailleurs aussi, notamment à El País, qui s'est comporté d'une façon vraiment assez dégueulasse. Enfin, c'est une campagne de discrédit et de dénigrement. Et ben, ces médias-là, aujourd'hui, ils ne nous disent pas. Pourquoi Chavez a gagné? J'aimerais bien qu'ils nous disent pourquoi Chavez a gagné. Qu'ils nous expliquent pourquoi Capriles a perdu. Est-ce qu'ils vont nous dire que c'est bien la vision? Parce que Capriles, il disait, il faut choisir entre deux visions aujourd'hui. Eh bien, est-ce qu'ils vont nous dire qu'en fait, oui, c'est cette vision des Capriles qui prévoyait le démantèlement des missions, l'ouverture des capitaux des services de santé et des santé et d'éducation au secteur privé et la fin de l'obligation faite aux banques de favoriser les investissements productifs pour l'emploi parce que les banques au Venezuela sont obligées de consacrer au moins un cinquième de leurs capitaux au crédit, aux petites entreprises, aux coopératives qui se comptent maintenant par des dizaines de milliers. Et bien tout ça, il voulait mettre un fin à ça. Il s'est bien gardé de le dire. Il nous a fait une campagne qui voulait s'identifier à une certaine social-démocratie, voire même à Lula. Et ben ça, ils ne nous disent pas. C'est ça qui s'est planté, qui n'a pas marché, qui n'était pas accepté par la majorité des Vénézuéliens. Et ils ne nous ont pas dit que depuis que Chavez a mis en place sa politique sociale, il a dépensé 330 milliards de dollars. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas, ça on voit ça ici, mais 330 milliards, on peut bien le donner aux banques, mais pas à des politiques sociales. Et les médias qui ont traité Chavez des dictateurs, des populistes, et ce sont les mêmes d'ailleurs qui nous expliquent aujourd'hui qu'ici en France, la demande du front de gauche d'un référendum sur les traités budgétaires, c'est du populisme. Ce sont les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a bien une relation. C'est pour ça que quand il dit, Farid, les luttes là-bas, ce sont nos luttes, effectivement, on se trouve devant les mêmes adversaires. Et, je ne vais pas entrer dans les détails, mais quand on dit populiste, dictateur et tout ça, il faut voir comment la démocratie est respectée au Venezuela. Alors qu'ici, toutes les promesses qu'on a entendues pendant la campagne électorale, eh bien pour l'instant, elles passent à la trappe, notamment sur cette question du traité budgétaire. Et je voulais quand même souligner une chose, justement en parlant de démocratie. Cette formidable mobilisation qu'on a vue au Venezuela, elle montre le degré d'organisation et de politisation des Vénézuéliens. Mais ça, c'est un apport de la nouvelle démocratie qui existe aujourd'hui au Venezuela. Ce n'est pas quelque chose d'instinctif, non. C'est bien parce qu'aujourd'hui, on a une nouvelle démocratie au Venezuela et on n'en parle pas. Et on est très loin de la caricature que les médias ont voulu nous présenter pendant tout ce temps. Et je pense que ça fait partie de notre boulot, et Farid en discutait il y a un moment, ça fait partie aussi de toute notre action de solidarité, de démonter toutes ces campagnes-là, parce qu'en le faisant, on le fait pour nous-mêmes. Et pour finir, bon, je voulais souligner le fait que cette élection, c'est un fait majeur c'est quelque chose d'historique, vu les enjeux qu'on trouve, et dire que la victoire du président Chavez confirme l'ancrage des idées des gauches en Amérique latine et le recul de l'hégémonie des États-Unis. Il y a d'autres élections en cours. Il y a eu les élections au Brésil, les municipales, qui ont vu un renforcement aussi de la gauche. Ça fait partie du même processus. Il reste des défis devant cette révolution, des défis très importants tels que l'insertion du Venezuela dans le Mercosur, mais pour changer le Mercosur, chose que Chavez a dit depuis très longtemps. Il a toujours dit, je veux y aller, oui, mais c'est pour le changer et faire que ça devienne quelque chose de bien plus politique. Des enjeux tels comme les négociations des paix en Colombie et le Venezuela jouent un rôle très important dans cette affaire. Ça ne serait pas pareil avec un Capriles à la présidence du Venezuela. Des enjeux, des défis tels que la réponse à ces préoccupations dont je parlais avant qui existent au Venezuela, les problèmes de sécurité, etc., etc. Je ne me le répète pas. Mais je voulais aussi qu'on soit bien conscient que la droite reste forte. Elle reste forte au Venezuela et parce qu'il y a une lutte des classes aujourd'hui au Venezuela. Il y a une confrontation dure. Il y a les régionales qui arrivent en décembre et puis les municipales plus tard, en avril. Ça veut dire qu'il ne faut pas baisser la garde. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on reste mobilisé pour tout ce qu'on a dit avant, tout ce que je dis avant, et qu'il va falloir continuer à accompagner ces processus d'ici, qu'on continue ce travail de solidarité pour faire barrage aux campagnes médiatiques et faire connaître tout ce qui se fait là-bas, parce que les Venezuela et le gouvernement de gauche en Amérique latine nous montrent qu'on peut changer nos sociétés et rendre réels nos objectifs d'émancipation. Donc, on reste solidaire avec les Vénézuéliens, sans oublier les batailles à venir, avec les élections au Paraguay, avec les élections en Argentine, le mois de mai prochain, avec les élections en Honduras et au Chili, en novembre de 2013, et, je ne vais pas l'oublier, parce que je trouve que c'est très important, d'abord, il y a bien évidemment le Chili, c'est dimanche, et l'Équateur en février 2013. Je ne voulais pas l'oublier parce que je trouve que c'est un enjeu majeur aussi. Très important. Ça fait partie de cette chaîne qui existe aujourd'hui en Amérique latine, qu'il va falloir qu'on, nous aussi qu'on fasse la même chose et qu'on soit aussi solidaires parce que c'est très important aussi pour nous. Donc, voilà, pour finir, Farid, tu l'as dit, Chavez no se va et il est loin de son aller en la vie. Merci. Merci. Alors, je voudrais redire que effectivement, le parti de gauche se félicite de la réélection d'Hugo Chavez et en plus du score obtenu qui montre qu'il y a une véritable mobilisation populaire et de soutien à Hugo Chavez et pour tous ceux de la direction du parti de gauche qui, grâce à l'invitation du PSUV, et nous l'en remercions, ont pu aller voir sur place ce qu'il en était, nous avons pu mesurer cette mobilisation populaire, mesurer que c'était vraiment les classes populaires qui étaient aux côtés d'Hugo Chavez. Et de ce point de vue, c'est vrai que notre déplacement nous a permis de participer à la bataille contre la contre-information qui existe dans notre pays et qui existe en Espagne. Je peux d'ailleurs vous dire qu'il y avait une délégation du Parti populaire d'Espagne qui était présent, mais qui était aux côtés de Capriles et pas évidemment aux côtés d'Hugo Chavez. Donc c'est important cette réélection. Et c'est important parce que, comme l'a dit Farid, c'est important pour le Venezuela, pour continuer les politiques qui ont été mises en œuvre au Venezuela. Comme l'a dit Obeis, la corruption, ça existait bien avant et elle a beaucoup diminué. Elle a encore besoin de diminuer, mais ça n'a rien à voir. Moi, j'avais un ami il y a quelques jours qui me disait qu'il a travaillé pour une grande entreprise française au Venezuela avant l'arrivée au pouvoir de Hugo Chavez. Et il me disait, pour obtenir des marchés, moi, je circulais avec des enveloppes de 200 000 dollars. C'était une entreprise française. Donc, vous voyez, on n'en est plus là, et c'est une bonne chose, ça a changé. Mais, donc, outre être une avancée pour le Venezuela, c'est effectivement une avancée pour toute l'Amérique latine. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut bien voir, c'est que les attaques auxquelles on a assisté dans notre pays contre le Venezuela, demain, on va assister de la même manière à des attaques contre l'Équateur au moment de la campagne électorale pour la réélection de Correa. Et de la même manière que nous avons été aux côtés du peuple vénézuélien pour la réélection d'Hugo Chavez, nous serons, nous, Parti de Gauche, aux côtés du peuple équatorien pour la réélection de Henrique Correa. Parce qu'en fait... Nous aussi. Donc nous serons tous aux côtés du peuple équatorien. Pourquoi ? Parce que ce qui se passe en fait, c'est que les différentes oligarchies de tous ces pays et le pouvoir capitaliste au niveau international ne peut pas accepter qu'il y ait dans un pays un peuple qui fasse un autre choix et qui montre qu'il est possible d'avoir un autre modèle social et un autre modèle de développement. Que ce soit le Venezuela, que ce soit l'Équateur, que ce soit la Bolivie, ces trois pays sont passés par des constituantes pour changer le modèle de fonctionnement et d'organisation de leur État, pour changer le modèle de développement économique et social et pour changer aussi, pour prendre à bras le corps les enjeux écologiques. Et c'est ça qui apparaît trop dangereux, évidemment, pour le capitalisme au niveau international. Et c'est pourquoi il est de notre responsabilité, en tant que révolutionnaire en France, de défendre ce qui se passe dans ces pays. Et contrairement à ceux qui nous disent qu'on fait de l'appui comme ça, sans comprendre ce qui se passe, si nous comprenons très bien, nous comprenons très bien que l'enjeu, c'est un enjeu classe contre classe. C'est l'enjeu de savoir si l'oligarchie, les oligarchies diverses et variées des différents pays, mais qui ont les mêmes intérêts partout, continuent à écraser les peuples, ou si nous sommes aux côtés de tous ces peuples qui se battent pour, un, notamment dans tous ces pays d'Amérique latine, récupérer leurs ressources naturelles. Vous m'avez entendu tout à l'heure, pour ceux qui sont membres du Conseil national du Parti de Gauche, insister sur cet aspect, mais c'est fondamental, la récupération des ressources naturelles de tous les peuples, de tous ces pays, parce qu'ils ont été expropriés et exploités pendant des décennies et même pendant des siècles, on peut dire, depuis 1492, par un certain nombre de pays, dont le nôtre d'ailleurs, dont l'Espagne, dont d'autres pays, dont les États-Unis. Donc c'est important que nous construisions cette solidarité avec tous ces peuples et que nous soyons aux côtés de ces peuples dans les batailles qu'ils mènent. N'oubliez pas qu'au Venezuela, il y a eu une tentative de coup d'État, en 2002, si je ne fais pas d'erreur, qui consistait à renverser Hugo Chavez. Il y a eu une tentative de déstabilisation en Équateur. Rappelez-vous, nous avons été aux côtés à ce moment-là du gouvernement équatorien. Il y a eu une tentative de déstabilisation, il n'y a pas si longtemps que ça, en Bolivie. Bon, il y a eu le fait que le président du Paraguay a été écarté sur la base d'accusations qui étaient des accusations totalement fausses. Donc il ne faut pas être naïf. Il y a une offensive qui est une offensive constante. Et si nous nous rappelons historiquement, en Amérique latine, malheureusement, il y a eu toute la période des dictatures, que ce soit au Chili, que ce soit en Argentine, que ce soit en Uruguay, que ce soit en Bolivie. Et je dois en oublier, malheureusement, tellement il y en a eu. Hein ? Pas des dictatures. Ouais. Hein ? Et que si on pense à l'Amérique centrale, malheureusement, l'intervention constante de l'impérialisme américain à Cuba, contre Cuba, hein, mais que ce soit aussi au Guatemala, que ce soit au Salvador, que ce soit au Nicaragua, que ce soit au Honduras. Donc cette intervention est constante. Donc dans les années 70, il y avait en France un mouvement de soutien de masse qui existait en solidarité avec les peuples d'Amérique latine. Malheureusement, cette solidarité de masse a reculé, comme beaucoup de choses d'autres ont reculé. Il est de notre responsabilité, au niveau du Front de Gauche, au niveau du Parti de Gauche, de reconstruire cette solidarité avec les peuples qui se battent pour un autre avenir, pour une autre société avec laquelle nous sommes solidaires et pour laquelle nous nous battons aussi. Les victoires des peuples au Venezuela, en Équateur, en Uruguay, en Argentine, en Bolivie et ailleurs sont aussi nos victoires, comme nos combats permettent aussi à ces peuples de pouvoir avancer. Tous ensemble, nous pouvons avancer et c'est pourquoi nous devons continuer, donc, et nous continuerons à défendre en France à la fois le gouvernement d'Hugo Chavez et le peuple vénézuélien, comme dans les semaines qui viennent et dans les mois qui viennent, le peuple équatorien et le gouvernement de Corée, comme pour tous les autres peuples et tous les autres gouvernements progressistes d'Amérique latine. Et moi, je viens de l'ambassade de l'Équateur, du gouvernement de l'Équateur, et je m'excuse pour mon français, je viens d'arriver depuis quelques mois, pas loin, 4 mois. Mais en fait, moi, déjà, c'est un haut esprit pour moi de voir des drapeaux. Taisez-vous un peu. des drapeaux de la Venezuela et de l'Équateur à côté, dans un contexte tout à fait progressiste. Moi, je vais commencer à dire quelques mots, et surtout les présidents coréens, et j'ai aussi des notes. Et surtout, c'est le tweet du président Rafael Correa qui écrit toujours avec une approche avec le peuple par moyen de technologie de l'information. En fait, le président est très proche à ça. Et lui, il dit, comme Farid m'a demandé, qu'est-ce que l'Équateur pense de la victoire de Hugo Chavez Frias en le contexte latino-américain. Moi, je pense que la meilleure expression de ça, c'est le tweet qui a mis le président en réagissant de manière impérative sur l'action des bottes. Excuse-moi. Camarade, je vous demande le silence et un minimum de correction d'écouter le camarade qui intervient au nom du gouvernement équatorien. En fait, le président a dit « Merveilleux triomphe populaire au Venezuela ». Vous vous rappelez que la prince, entre guillemets, libre et indépendant, nous parlait d'une égalisation technique. Prohibido olvidar, c'est interdit d'oublier. Ça veut dire ça, que la presse, comme on vient de dire, les gens qui m'ont anticipé la parole, et c'est un prince qui tergiverse les choses. Les communiqués officiels de l'Équateur, que j'aimerais bien vous dire ici, en cette usine des fronts de gauche, c'est que le gouvernement de l'Équateur félicite le peuple vénézuélien déjà pour le taux de participation de 80%. En fait, moi, je connais peu l'Europe, mais ça, c'est une question que jamais j'ai écoutée en Europe, en 80%, en une condition exceptionnelle que c'est un vote... c'est pas un vote populaire, c'est pas obligatoire. Hein. C'est un vote qui a envie de participer, non? C'est ça la volontaire. C'est un vote volontaire. Déjà, la participation, c'est 80% des volontaires. Et ça constitue une authentique fête démocratique. Et l'Équateur, c'est Joya, exprime les félicitations au président Hugo Chavez Frias de ce triomphe qui consolide la révolution bolivarienne dans ces pays très proches de l'Équateur. Quand Farid m'a demandé qu'est-ce que signifie la victoire de Hugo Chavez pour l'Équateur, moi j'ai pensé en deux choses. Moi je viens du côté commercial, c'est un peu bizarre on dit, moi je viens du côté commercial de l'économie solidaire. Je vais donner quelques données. L'Amérique latine échange entre eux-mêmes dans ces pays les 30% de ces échanges internationaux. L'Europe, ça fait 70%. Tous les modèles de développement et tous les modèles d'échange ont été limités entre l'Amérique latine parce qu'elle ne peut pas se communiquer déjà dans le système de vol, dans le système de communication, dans le système de route pour dépendre des pays ailleurs de notre territoire. Ça, c'est une question très importante. Le Venezuela, il y a 2 ans, a devenu le 3e associé à l'Équateur en fonction commerciale. Ça signifie que depuis les États-Unis et l'Union européenne, tous les pays de l'Union européenne inclus, la Venezuela, c'est un associé très important pour l'Équateur en tant que commercial, en tant que politique, en tant que social. Ça, c'est le changement de l'Amérique latine en termes réels de l'économie d'un peuple frère. Non? Et ça, c'est très important parce que les gens n'envient pas de faire des commerces avec le Venezuela parce qu'il y a je ne sais pas quoi. Et là, on dit tout un discours que c'est évidemment faux parce que moi, je travaille sur les commerces et je connais les très proches des Vénézuéliens. J'ai la sorte de connaître le président Chavez et tous les acteurs de Venezuela dans le gouvernement. Et ça se voit que c'est une question de discours qui sort dans les paroles des gens qui envient de maintenir un système qui permet de gagner plus à quelques-unes et pas à gagner plus à la majorité, à les communes. L'autre chose qui a été mentionné dans cette communiqué, c'est que l'expression du peuple vénézuélien est une démonstration de vigueur de l'esprit intégrationniste bolivarien qui partage le peuple équatorien. La réélection du président Chavez réitère l'engagement majoritaire des Vénézuéliens à continuer avec la construction d'un système économique social plus juste et plus solidaire. La République de l'Équateur ratifie son engagement de continuer à renforcer les liens de fraternité et de coopération avec la République bolivarienne de Venezuela et notamment avec tous les peuples vénézuéliens dans un contexte. Maintenant, c'est en cours l'élection de l'Équateur. L'Équateur, nous avons 7 candidats à la présidence de toutes parties confondues. Il y a quelques-unes à gauche, quelques-unes à droite. Ça commence la campagne d'ici à quelques semaines. On va commencer à avoir possiblement des attaques dans la presse qui ont déjà passé pendant 6 ans, presque 6 ans. Et on demande, en fonction du sein du Front de Gauche, de l'appui de vous pour nous soutenir, de soutenir un peuple équatorien qui a la chance aussi d'avoir un esprit d'échange pour un futur meilleur, pas seulement pour l'Équateur, mais pour l'Amérique latine et pour le monde entier. On dit qu'en l'Équateur, autre monde est possible et on espère, avec le président Correa, de maintenir l'espoir. Merci. Voilà. Peut-être pour finir, merci beaucoup. Nous sommes très, très contents d'être ici. Nous sommes fonctionnaires de l'ambassade de Cuba, mais nous parlons au nom du peuple de Cuba. Je pense que claro, viva Cuba, viva Cuba, parfois oublié, mais nous sommes toujours présents. Nous sommes à côté de Venezuela, vous le savez, bien sûr, et nous serons à côté de Venezuela. Parce qu'être à côté de Venezuela, être à côté de l'intégration, être à côté de l'indépendance, être à côté de la coopération, et je pense que c'est le plus important, justement la coopération entre tous les pays de l'Amérique latine. Et je pense qu'il faut penser peut-être deux mots. C'est la victoire extraordinaire et c'est la victoire aussi de l'amour. Il faut voir seulement les visages de tous les peuples de Venezuela. Et voilà, tout le monde chante, tout le monde danse, tout le monde est très content de la victoire. Et pour moi, pour nous, pour tous les Cubains, la victoire c'est extraordinaire. La victoire c'est forte, très très très forte. Et la victoire c'est aussi belle. C'est un mot qui pour moi a beaucoup de signification parce que quand on parle de la beauté, on parle toujours de justement la vie, la force, la nature de ces procès que c'est le procès du Venezuela. Voilà, merci beaucoup et viva Chavez! Viva Fidel, vivan todos los presidentes de la América Latina revolucionaria y viva Venezuela, vivan los amigos de Venezuela aquí en Francia. Juste un mot parce que j'ai oublié, vous savez que Jean-Luc était au Venezuela en juillet, il est en ce moment en Argentine pour apprendre de ce qui se passe au niveau de l'Argentine, il sera dans quelques jours en Uruguay, notamment pour aller voir concrètement comment fonctionne le Frente Amplio, ce qui peut nous être très utile au niveau du Front de Gauche en France. Et il sera en décembre en Équateur pour aller soutenir la campagne de Rafael Correa. Voilà. Merci. Alors, juste une phrase pour finir. De la même manière qu'au mois de juillet dernier, les partis progressistes rassemblés au Foro de Sao Paulo en juillet ont tous dit derrière Lula, Chavez, ta victoire sera notre victoire. Eh bien, aujourd'hui, nous pouvons vous dire que notre victoire, c'est votre victoire. Merci. Alors maintenant, tout de suite, nous allons avoir une liaison Skype avec un économiste franco-espagnol qui travaille avec Chavez, Manuel Cerezal. Allô Manuel ? m'entendez ? Est-ce qu'on entend Manuel ? Allô, allô ? Vous entendez, très bien. Mais bonsoir à toutes et à tous. Manuel ! Et viva Chavez ! Viva Chavez ! Alors, j'ai pas autant de public derrière moi que vous là, donc pour les ovations, les cris et la joie, je compte sur vous. Moi, j'en ai plein le cœur, il en déborde. On est tous très contents ici. Et le lema, l'expression qui avait été inventée en 2004 au moment où un référendum avait été lancé contre le président Chavez par l'opposition, était « Où a Chavez no se va ?» a été remplacé depuis le 7 octobre par « Où a Victoria Popular ?» Victoire populaire. Et c'est bel et bien cette victoire-là qu'on est en train de célébrer ici depuis une semaine. Donc, pour ne pas prendre trop de temps, je vais vous parler des accomplissements dont on se réjouit aujourd'hui et dont tout le peuple vénézuélien se réjouit. Tout en faisant une petite ouverture sur les enjeux que représentent ces mêmes accomplissements. Je parlerai tout d'abord de cette victoire populaire qui est renforcée par la vigueur de la démocratie, qui, comme vous le savez, puisque vous lisez la presse en France, cette démocratie est très critiquée. En second lieu, je ferai un petit état des lieux de ce que représente aujourd'hui le néolibéralisme devant cette victoire historique, en réfléchissant un peu sur l'État et sa fonction ici. Puis, je parlerai du fait que ici, on a placé l'humain d'abord et ça a marché. Donc, pour donner un peu d'espoir à ceux qui ont voté pour le Front de Gauche lors des dernières élections présidentielles en France, en suivant ce programme qui s'appelait, comme ça, non, l'humain d'abord. Et finalement, je parlerai peut-être un peu des implications régionales et pourquoi pas mondiales, finalement, de la victoire d'Hugo Chavez en ce qui concerne la construction d'une autre architecture financière, puisque l'actuelle est en train de poser de sérieux problèmes à tout le monde, et en particulier à l'Europe. Donc voilà, pour commencer, donc, on venait d'une campagne un peu difficile au Venezuela parce que c'était la première campagne en 14 ans des 15 élections qui ont été célébrées pendant ce laps de temps qui mettait Chavez dans une position qui n'était plus exactement celle du Chavez insurrectionnel, révolutionnaire. Chavez devait se présenter cette fois-ci comme la garantie de la stabilité, de la continuité du pays, chose qui n'était pas l'aspect central de son discours et de sa personnalité. Tout cela un peu aggravé par la maladie qu'il affronte depuis un peu plus d'un an. Et de l'autre côté, on avait un candidat qui se faisait fort de sa jeunesse et qui ne cessait de parler des problèmes des Vénézuéliens pour essayer de leur faire comprendre que le futur était avec lui. Donc une campagne relativement classique pour un pays qui l'est moins et qui nous a finalement fait un peu peur à tous parce qu'on n'était pas dans le registre du discours habituel du président et il a dû défendre cette fois-ci, en plus d'être le révolutionnaire qu'on connaît de lui, un chef d'État à la hauteur du défi qui se présentait à lui. Le défi a été relevé et je crois que la façon dont il l'a emporté a été exceptionnelle. Et aujourd'hui, on se félicite, en plus de la victoire populaire, de la vigueur de notre démocratie. Quand je parle de victoire populaire, il y a eu ici, et peut-être que c'est une lecture romantique de ceux qui aimons ce processus, un petit rappel de ce qu'avait été le 13 avril 2002, deux jours après l'enlèvement d'Hugo Chavez lors du coup d'État qui n'avait pas vraiment été retransmis par les télévisions locales. Vous savez, vous vous rappelez peut-être que le 13 avril, le peuple était allé jusqu'à Miraflores et s'était descendu des quartiers populaires pour aller réclamer son président constitutionnel et l'avait donc récupéré force clameur populaire. Et ce qui s'est passé le dimanche dernier, c'est une extraordinaire mobilisation populaire. Vers 2h de l'après-midi, le vote opposant était relativement massif et faisait peur à nos files. Et il y a eu une extraordinaire mobilisation du parti, des militants plus individuels ou individualisés qui ne s'inscrivent pas directement dans le parti et qui sont allés faire du porte-à-porte pour finalement réussir à ouvrir la brèche au-delà de 1 500 000 votes. Donc voilà, une victoire avec 8 millions de votes contre 6 millions et demi. Une participation de 80,9% dans un pays où le vote n'est pas obligatoire. Quand je vous parle de vigueur démocratique, c'est à ce chiffre que je pense en particulier. Donc on est très content parce que Chavez a pu donner une leçon au monde entier en étant élu pour 4e fois par les urnes. Il l'a exprimé d'une façon un peu... en rappelant que la victoire d'Hollande n'avait pas bénéficié du même écart, qu'il attendait de voir la victoire qu'il espérait d'Obama sur son opposant pour voir s'il arrivait à marquer un écart aussi sensible que celui qui avait été obtenu au Venezuela le 7 octobre passé. Et en même temps, cette victoire est une leçon à Chavez, au parti et à tous ceux qui sont gouvernement depuis 14 ans, parce qu'on s'est rendu compte qu'à peu près 20% des votes n'étaient pas dirigés au parti socialiste unitaire ou uni du Venezuela. Ce qui fait comprendre que Chavez rassemble au-delà du parti, qui a rempli sa fonction de maquinaria électorale, comme on dit ici, mais qui doit affronter d'autres défis politiques. On est aussi très très content parce que le Conseil national électoral a été lui aussi réaffirmé par cet événement électoral. Le système électronique du vote a très bien marché et l'un des pouvoirs, donc des 5 pouvoirs qui existent au Venezuela, a été renforcé alors que l'opposition passe son temps à dire que tout est sous le contrôle de Chavez et que les pouvoirs ne sont pas dignes de ce nom. La seconde victoire populaire qu'on peut célébrer aujourd'hui, c'est que ces 14 ans de gouvernement de Chavez et ceux qui viennent, les 6 ans qui viennent, ont montré que l'organisation populaire est la solution aux problèmes des Vénézuéliens. Les cercles bolivariens, auxquels certains de vous appartiennent peut-être encore, sont devenus des consejos comunales en 2007 en essayant de construire une autre base d'organisation de la société qui ne soit pas la base monolithique de l'État central. Et ces consejos comunales, avec toutes les difficultés qu'on pourra imaginer, ont quand même réussi à prendre part dans l'effort du développement national. Et en l'occurrence, des 250 000 maisons ou logements qui ont été construits au cours de la dernière année et demie, près de 50 000 sont le résultat de l'autoconstruction et de l'organisation populaire pour le travail. À présent, il faut savoir si cette révolution vigoureuse et cette démocratie vigoureuse parce que populaire est une révolution citoyenne, comme l'appellent nos amis équatoriens. Pour cela, il se présente un défi aujourd'hui au gouvernement de Chavez, qui est celui de gouverner pour tous. C'est ce que l'opposition essaie de mettre au centre du débat, en disant qu'il faut à présent gouverner pour les 8 millions qui ont voté pour Chavez et pour les 6 millions qui ont voté contre lui. Parce qu'il ne s'agissait pas dans cette élection de voter pour un candidat quelconque de l'opposition. Il s'agissait bel et bien d'un référendum sur la continuité de Chavez, une fois de plus. Lorsqu'on parle de révolution citoyenne ici, il faut réfléchir au rôle que va remplir l'État dans les prochaines années. C'est là que je passe à mon second point. l'État ici est aujourd'hui nécessaire, et Hugo Chavez l'a montré. La seconde grande victoire de cette élection, c'est que la droite a été obligée de copier le discours de Chavez, de reconnaître les accomplissements de son gouvernement pour pouvoir se présenter devant les Vénézuéliens. Et ça, c'est une victoire que l'on pourra apprécier depuis l'Europe, où beaucoup de fois, la gauche est obligée de copier certains aspects du discours de la droite pour présenter une gestion acceptable de l'État devant ses concitoyens. Ici, pour reprendre une expression de Rafael Correa, l'actuel président de l'Équateur qui va à sa réélection prochainement, on est sorti, on est bel et bien sorti de la larga noche néolibérale, de la longue nuit néolibérale que le Fonds monétaire international nous a asséné, nous a appliqué depuis le début des années 80, lorsqu'il était question d'une crise généralisée de la dette pour notre continent. Le gouvernement d'Hugo Chavez de 1999 est bel et bien la première émanation du pouvoir populaire contre le néolibéralisme, et il s'est affirmé au travers de diverses actions lors de ces 14 ans qui ont passé, notamment le refus de la ZLEA, de la zone de libre-échange américaine, qui était poussée par le Congrès américain. Donc voilà, comment est-on sorti de cette longue nuit néolibérale? Tout simplement en investissant près de 400 milliards d'euros en l'espace de 14 ans en dépenses sociales, en rendant massive l'accès à l'éducation, alors qu'avant il était conditionné soit par des conditions financières, soit tout simplement par des discriminations de classe. Pendant ces 14 ans, on a récupéré 4 millions d'hectares au Venezuela pour les rendre productives alors qu'elles étaient en jachère. On a l'investissement public aujourd'hui représente 30% du PIB et plus des deux tiers sont publics, c'est-à-dire que l'État a repris son rôle d'impulsion. Et la Banque centrale, une chose qui devrait vous intéresser au vu des dernières actions de la Banque centrale européenne, la Banque centrale ici n'est plus vraiment autonome. Même si dans la Constitution, elle l'est toujours, pour que le FMI, l'OMC ou les grandes puissances du monde qui sont toujours néolibérales ne nous embêtent pas trop, la Banque centrale finance bel et bien le développement du pays. Elle finance aussi les petits agriculteurs. Elle aide les petites entreprises directement à se développer, c'est-à-dire qu'on a fait tomber le mythe de l'isolement et de l'indépendance de la banque centrale monétariste. On a bel et bien réussi ce défi-là. Le contrôle de change qui a été instauré en 2003 pour éviter les fuites de capitaux, qui était le quotidien du Venezuela depuis près de 50 ans, est toujours en place. Il aura peut-être besoin d'être actualisé pour être plus efficace. Mais toujours est-il qu'on a bel et bien mis un sérieux plomb dans l'aile au néolibéralisme. Et l'État, aujourd'hui, est reconnu, même par la droite, comme nécessaire au Venezuela. Je crois que c'est un accomplissement important au vu de ce qui est en train de se passer en Europe, où les propres banques sont obligées, elles aussi, de reconnaître que l'État est nécessaire, même si elles essaient toujours de le tromper ou de le dominer à travers la crise de la dette dont vous êtes les malheureux spectateurs, et nous aussi depuis ici. À présent, si l'État est bel et bien nécessaire aujourd'hui, on a aussi la sensation que l'État n'est pas suffisant, et cela est dû à la puissance de l'organisation populaire qu'on peut sentir dans la vie quotidienne du Venezuela. L'État, aujourd'hui, est plus patron qu'il ne l'était en 1999. Il y a 1 million de fonctionnaires en plus. Il est plus propriétaire qu'avant, parce que beaucoup d'entreprises ont été nationalisées. dont les télécommunications, le service d'électricité, enfin, je pourrais vous les citer, mais ça serait long. Et enfin, cette nécessité de faire avancer l'État, en même temps, doit être mise en perspective en comprenant que l'État ne peut pas tout faire. Et c'est à ce moment-là qu'on se situe aujourd'hui dans la projection politique du projet bolivarien et du projet socialiste tel qu'il est énoncé par le président et soutenu par tous ses collaborateurs. D'accord. Donc, oui, pardon. Non, je disais d'accord. Oui, ah, oui, bonjour, c'est... Oui. C'est... On ne se voit pas, là. Je ne sais pas si tu nous vois très bien. Je vois le public, en fait. Tu vois qu'il y a des gens. C'est François Delapierre. Ah, bonjour, François. Voilà. Ah, je te vois, ça y est. Donc, je peux confirmer que ça fait plaisir de te voir parce qu'effectivement, avant les résultats, tu avais moins bonne mine. Ben oui. Tu avais un peu la boule au ventre. À la gorge aussi. Et je ne sais pas si c'est Skype qui te donne bonne mine, mais... Ou alors il s'est passé quelque chose le 7 octobre qui a dénoué tout ça. Je vais te poser une question, tu sais, parce qu'on est avec beaucoup de gens qui ont vécu la campagne comme ils ont pu, hein, en suivant l'actualité, comme on en a beaucoup parlé en France, peut-être en donnant des arguments autour d'eux. Bon. Et on plaide pour que... des camarades aillent au Venezuela pour se rendre compte et aussi pour aider. Alors, moi, ce que j'ai envie de te poser des questions un peu plus personnelles, peut-être de dire aux amis qui sont ici, quand est-ce que tu es allé au Venezuela? C'était il y a combien de temps? Qu'est-ce que tu venais y faire au début? Et puis, qu'est-ce que tu y as fait rapidement ces dernières années avec un peu l'idée que d'autres personnes pourraient faire le même voyage que toi? Et contribuer concrètement à aider ces nouvelles étapes que tu évoques là, où on voit bien qu'il y a besoin d'aide, il y a besoin de coups de main. D'accord. Brièvement, mon parcours, c'est le suivant. Moi, j'ai fait l'ESSEC en France. Ça ne m'a pas plu du tout. Donc, à peine j'ai eu mon diplôme, je suis parti pour l'Équateur, où je suis arrivé comme volontaire pour faire du développement local et du développement rural, en l'occurrence du microcrédit et un peu toute la gamme d'expériences qu'on peut rencontrer dans le secteur de l'économie solidaire. Et je faisais ça avec le mouvement Pachacuti qui réunissait les paysans et les indigènes depuis les années 90. Et là-bas, j'ai tout simplement connu des Vénézuéliens en Équateur, et au bout de 5 ans en Équateur et Colombie, j'ai décidé d'aller au Venezuela parce que je n'y comprenais absolument rien. J'avais l'impression de voir un rideau de fumée ou de fer, je ne sais pas, qui m'empêchait de comprendre ce qui s'y passait. J'avais l'impression que Chavez, avec sa personnalité... Donc c'était il y a combien de temps, Manuel? Ça, c'était... je suis arrivé au Venezuela en 2007, juste avant le non au référendum sur la réforme constitutionnelle. D'accord. Alors j'ai été accueilli par une mauvaise surprise, parce que je pensais que Chavez gagnait tout le temps. Mais bon... Finalement, je me suis décidé à me mettre au service de ce processus-là qui me paraissait merveilleux parce que c'est un processus dynamique, actif. On n'a pas ce sentiment d'apathie démocratique ou populaire qu'on pourrait avoir dans certaines régions d'Europe, pour ne pas dire de France parce que je sais que vous êtes très engagés. Mais j'ai commencé par l'université où j'ai donné des cours pendant un an et où je développais un projet pédagogique qui remplaçait la thèse comme projet de fin d'études par du travail social, tout simplement, enfin de l'investigation militante, on appelle ça, non? Comment on dit ça? De la recherche, je ne sais pas, militante, voilà. Ouais. Et ensuite, au bout d'un an, on m'a appelé pour aider à monter la monnaie commune de l'ALBA, qui s'appelle le Sucre, le système unitaire de compensation régionale de paiement, qui est une petite expérience qui essaie de déjouer le seigneuriage du dollar sur nos économies. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler pour la Banque centrale, pour le ministère des Finances, pour le ministère des Affaires étrangères et pour le président. Et je suis tombé amoureux parce que j'ai rencontré Chavez et j'ai trouvé que c'était... un monsieur très, très, très intelligent, Donc au début, beaucoup. Tu es venu pour donner des cours à l'université, c'est ça? Voilà, exactement. Et puis tu t'es retrouvé dans une mission à la présidence de la République. Écoute, voilà. La vie est étrange. Hein, mais... Ouais, c'est pas le, c'est mais pas, ça n'arrive pas à tout le monde, hein, quand même. Mais non, non, c'est... mais s'il y a un pays où ça peut arriver à des militants de gauche, c'est peut-être au Venezuela et dans d'autres pays de la zone. Donc il y a cette chance. Mais bien entendu, venez, hein, on vous attend. On a besoin de vous en plus. Justement, ce dont j'allais vous parler juste avant ta question, c'est ce sont des matières où la France a beaucoup apporté, où les Français, et en particulier les Français engagés, créatifs et avec une mémoire historique suffisamment bien remplie pour brandir nos étendards de solidarité et de fraternité. Je crois qu'il y a la place ici pour vous, quoi, tout simplement. D'accord. Merci beaucoup, Manuel. Je suis sûr qu'on se reverra et que j'espère que ton appel sera entendu par des camarades. Voilà, on va donner la parole à d'autres personnes dans la soirée. Bien entendu. Et on te remercie beaucoup de ce moment que tu as passé avec nous et de tout ce que tu as fait là-bas. Allez. Je vous recontacterai pour ce dont on parlait la dernière fois, pour que vous nous aidiez en termes de mutualité et de formation professionnelle. D'accord. D'accord. On a trouvé du monde déjà. Je t'embrasse. Ouais, abrazo, un abrazo. A bientôt. Que viva Chávez. Alors maintenant, on va appeler quelqu'un qui ne sait pas qui va être appelé, mais qu'on trouvait très important d'appeler ce soir. Alors, il fait partie du comité international d'Amérique latine du Parti de gauche. Il s'appelle Eduardo Meneses. Eduardo, nous te demandons de venir tout de suite sur scène. Je ne te vois pas, Eduardo. Nous allons appeler Eduardo Meneses, s'il est par là. Voilà, parce que c'était pour nous très très important que tu viennes dire un mot. Bon bah, c'est gentil, moi j'étais pas trop prévenu forcément que je devais parler. S'il y a quelque chose qu'il faut que je dise, c'est avant tout remercier à tous les camarades qui ont travaillé dans la commission internationale. Parce que d'un côté, comme on le disait aujourd'hui au CN, effectivement il y a une grande implication du secrétariat national, avec presque un quart du secrétariat national qui est allé au Venezuela. Mais il y a également beaucoup de camarades qui ont travaillé un peu derrière pour alimenter tous nos arguments, la contre-propagande qui est faite contre Chavez, qui va être faite aussi contre Correa. Donc je voudrais remercier des camarades comme Guillaume, comme Ramzi, comme Céline, qui malheureusement ne pouvaient pas être là ce soir. Je pense à Laurent aussi. Il y a beaucoup de camarades qui ont travaillé, beaucoup de nuits blanches passées à faire des argumentaires, des fiches. Donc avant tout, les remercier eux, parce qu'ils ont un vrai sens de l'internationalisme qu'ils ont envie de transmettre à tout le parti. Donc ça, c'est la première des choses. Une deuxième chose que j'aimerais aussi dire, c'est que je suis très content de voir comment, à travers le parti de gauche, le front de gauche tout entier, on est en train de faire vivre l'internationalisme d'une façon très concrète aujourd'hui. On est en train de recréer une culture de l'internationalisme qui n'est pas juste un simple mot en l'air, qui se concrétise aujourd'hui par des camarades comme les Amis de l'Usine, qui ont travaillé pendant des nuits entières pour faire cette soirée-là. Moi, effectivement, là, je vous parle en tant que militant du parti de gauche, mais je suis aussi équatorien. Et j'avoue que je suis très très ému de voir pour une fois un drapeau équatorien à l'initiative de camarades français, d'un parti, d'un front de gauche français qui lance cette initiative-là, qui donne un internationalisme concret à ce qu'on fait. Donc c'est très important. Ça, c'est le côté concret. Mais après, d'un point de vue politique, il faut qu'on comprenne beaucoup de choses de ce qui est en train de se passer. La première des choses, c'est qu'on n'est pas juste solidaire de l'Amérique latine. L'internationalisme, il va dans les deux sens. Une première chose, c'est qu'on n'est pas, comme le disait aujourd'hui, juste des commentateurs de ce qui est en train de se passer en Amérique latine. On s'inspire, on s'alimente en permanence. Je pense à l'Assemblée constituante, par exemple, l'Assemblée constituante qui est devenue un des piliers de ce qu'on propose pour passer une 6e République. Effectivement, ça vient de l'histoire de la Révolution française, où il y a eu la première Assemblée constituante, mais ça vient aussi de voir comment aujourd'hui, en Amérique latine, face à toute la privatisation de tous les domaines de la vie humaine, on s'est rendu compte qu'il fallait un nouveau contrat social décidé. Et comment ça s'est fait en Amérique latine? À travers une assemblée constituante. Donc les expériences en Amérique latine nous montrent qu'un autre monde est possible, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Et pour ne pas faire très long, je vais juste finir par ça. Il faut qu'on se rende compte que toute la bataille qu'on a menée pendant la campagne vénézuélienne, mais qu'on va mener aussi pendant la campagne équatorienne, ce n'est pas juste une campagne pour l'Amérique latine, mais il faut comprendre que les gens qui luttent ici contre Chavez, les gens qui luttent ici contre Correa, ils sont aussi en train de lutter contre notre propre combat, qui est celui de dire « un autre monde est possible ». Donc finalement, on est tous dans cette lutte internationaliste, ce n'est pas un mot tiré en l'air. Et de la même façon qu'en Amérique latine nous montre aujourd'hui la voie, il faut comprendre que si nous, en Europe, nous aussi, on n'est pas capable de créer une alternative, que ce soit avec les camarades de Syriza qui remontent en Grèce, que ce soit Izquierda Unida qui sont là ici, ils ne pourront pas le faire tout seuls en Amérique latine. C'est-à-dire que cette fois-ci, on a peut-être eu un peu peur pour le mouvement de ce qui se passait chez Chavez, dans l'élection de Chavez au Venezuela. On s'est dit, est-ce qu'il n'y aura pas une tentative de coup d'État, quelque chose à nouveau? Finalement, ça ne s'est pas arrivé. Mais on n'aurait pas ce même genre de frayeur si en Europe, on avait un mouvement fort, si on avait un front de gauche au pouvoir en Europe, si en Grèce, Syriza était au pouvoir. Donc finalement, on est tous dans ce même combat. Et je pense que petit à petit, on le matérialisera, notamment à travers le fameux forum international de la révolution citoyenne qu'on est en train de mettre en place. Donc avant tout, pour ne rien rajouter par rapport à ce qui a déjà été dit, je reste sur la même chose. Je remercie beaucoup aux militants qui malheureusement on ne voit pas souvent, mais qui contribuent énormément à tout ce qui a été fait aujourd'hui et ce soir, et pas que ici, aussi au Venezuela et partout en Amérique latine. Merci. Bonsoir, bonsoir à tous. La soirée n'est pas finie. Nous allons avoir une dernière liaison Skype ce soir avec Romain Migus, qui est le représentant du parti de gauche à Caracas. C'est un sociologue français qui habite à Caracas et qui nous fait l'honneur ce soir de nous retrouver par Skype pour nous parler de la victoire de Chavez et de la révolution citoyenne en Amérique latine. Alors, Romain, tu nous entends ? Je vous entends très bien. Bonjour, camarade. Comment allez-vous ? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Romain. Voilà, tu es en direct à l'usine avec nous ce soir. Merci beaucoup. Très bien, très bien. Écoutez, c'est bien d'organiser une petite fête autour de la victoire de Chavez, parce que comme on l'a dit et répété pendant cette campagne, cette victoire, c'est aussi notre victoire, c'est la victoire de tous les progressistes, de tous les socialistes, de tous les communistes. J'avais un ami, le jour de l'élection, qui me disait « Tu vois Romain, aujourd'hui j'ai voté pour le candidat du Parti communiste et on va gagner, et on a gagné ». Donc, c'est vrai que cette victoire de Chavez, c'est notre victoire. Comme on a pu voir, les scores sont sans appel. Il y a 1,5 million de différence entre le candidat de la droite, Capriles Radomski, et Hugo Chavez. 55,25% des voix a totalisé le président sortant, ce qui est quand même... un score d'une ampleur considérable lorsqu'on sait que ça fait donc 14 ans qu'il est au pouvoir et qu'il y a généralement il y a certains mécontentements ou une usure pour le pouvoir. C'est évidemment un très bon score. Quand on regarde le score de plus près, on voit que Chavez gagne dans 20 des 22 États vénézuéliens, y compris... les États dirigés par l'opposition, comme l'État pétrolier du Zulia, comme l'État industriel de Carabobo et l'État du Lara, où le gouverneur avait été élu grâce à l'appui des voix du PSUV et avait trahi ses militants par la suite pour passer à l'opposition. Ce qui me permet d'ailleurs de faire un petit... rappeler quelque chose par rapport à ce gouverneur de l'État du Lara. Il s'appelle Henri Falcon. Dans la presse française, la veille des élections ou l'avant-veille des élections, on a eu la surprise de lire que certainement Henri Falcon serait le prochain vice-président de la République bolivarienne du Venezuela. Ce qui montre un peu, la couverture absolument horrible qu'a fait la presse française et la presse mondiale en règle générale. sur les élections au Venezuela. Et ce n'est pas le mea culpa de France 2 ou les articles post-élection qui vont changer la donne. Mais en réalité, c'est plutôt normal, puisqu'ils étaient en campagne, ces médias. Car, contrairement à ce que certains électeurs du front de gauche peuvent faire croire en distillant leur haine verbale dans les colonnes du Monde, le Venezuela, même s'il n'est pas un modèle, reste bien une source d'inspiration pour nous tous. J'entendais le jeune homme là faire son commentaire juste avant que vous me passiez la communication. Et oui, il y a des choses au Venezuela qui ne sont pas négligeables, y compris pour nous, militants du Front de Gauche, militants du Parti de Gauche, militants du Parti communiste, militants syndicalistes, militants de la gauche progressiste, de la gauche socialiste. Justement, je ne sais pas trop ce que vous a dit juste avant moi Manuel Cerezal sur les défis qui attendent le Venezuela. Sans savoir, évidemment, et j'appuie absolument tout ce qu'il a dit, puisque c'est aussi un camarade, on a l'occasion de partager nos points de vue, et je souscris absolument à son analyse. Je voudrais peut-être me différencier un peu d'une intervention sur les défis qui attendent les Vénézuéliens, puisque... je suis, comme vous le savez peut-être, militant du Parti de Gauche et donc militant du Front de Gauche. Et donc, j'aimerais plus axer cette discussion sur ce que soulève le Venezuela pour nous, dans la perspective, évidemment, d'avoir un jour à diriger la nation française. Le Venezuela est vu depuis plusieurs années comme un laboratoire social, un laboratoire au niveau de l'organisation, un laboratoire au niveau de l'économie, etc., etc. Donc, je voudrais voir à partir de cette victoire de Hugo Chavez, en quoi, évidemment, ça nous concerne et en quoi ça peut nous aider. Premièrement, le parti, ou plus largement la plateforme de parti. Hugo Chavez arrive au pouvoir en 1998, à la tête du Polo Patriotico, c'est-à-dire du grand pôle patriotique qui contient son parti d'alors, le MBR, mais aussi toute une coalition de partis, à l'époque le MAS, le Parti communiste vénézuélien, le PPT, Podemos, etc. etc. Je crois que c'est très important. Cette victoire est aussi le fait du grand patriotique, donc ils ont recréé autour du nouveau parti, le Parti socialiste unifié du Venezuela, parti de Hugo Chavez, ils ont recréé une plateforme qui permet d'atteindre, on va dire, des militants qui ne voteraient pas forcément pour le seul parti du président. Ce qui permet d'ailleurs au passage d'analyser les stupidités écrites il y a quelques années de ça sur l'instauration d'un parti unique au Venezuela. Comme les Vénézuéliens ont pu s'en rendre compte et certainement les observateurs internationaux qui sont venus le week-end dernier, il y a plus de 40 partis. On pouvait voter pour Hugo Chavez de 20 manières différentes et on pouvait voter pour Capriles Radonski de 40 manières différentes. Donc, je crois que c'est quelque chose. L'idée étant de parler avec vous ici vraiment en tant que camarade et de peut-être un peu de polémiquer pour ensuite échanger par la suite. Hugo Chavez arrive au pouvoir en 1998 avec une coalition de partis dont une bonne partie se sont par la suite ont rompu les ponts avec le projet socialiste, avec le projet bolivarien. C'est-à-dire qu'ils ont fait l'appui, et je crois que d'ailleurs c'est la même chose en Équateur où il y a des gens qui passent à l'opposition. Pourquoi ? Pour prendre le pouvoir démocratiquement par les urnes, fait, on va dire, un programme commun avec des gens, on va dire, parfois un peu contre nature. Il y a un dirigeant du PSUV, donc le parti d'Hugo Chavez, qui déclarait à la presse, il y a de cela quelques mois, qu'il était anticommuniste, qu'il avait toujours été anticommuniste et qu'il le serait tout le temps. Donc là, vous voyez, il y a un peu des alliances qui on va dire peut-être contre nature. Et je crois que c'est une bonne piste de réflexion pour voir, pour nous, comment on pourrait aller chercher des électeurs au-delà de notre capital électoral, qui est désormais un capital électoral chiffre. Et une fois arrivé au pouvoir, il n'est pas question pour Hugo Chavez, et évidemment il le serait encore moins question pour nous, de travailler et de renier notre programme de gouvernement. Le programme de... Romain, si tu m'entends, excuse-moi. Non, tu peux continuer. Simplement, je vais te demander d'abréger parce que malheureusement, c'est un peu long. Il y a d'autres personnes qui arrivent derrière. Voilà, alors ça, c'était un peu pour le, on va dire, le parti. D'autres réflexions que nous amène le Venezuela, que traiter le thème de l'insécurité interpersonnelle par la question sociale, ce n'est pas suffisant. On a vu qu'au Venezuela, les apports sociaux sont gigantesques et pourtant l'insécurité a augmenté durant ces 14 dernières années. Ne pas être naïf non plus sur l'appareil productif. C'est très intéressant de voir comment les entreprises récupérées ou le thème de la cogestion en réalité se sont traduits par des échecs. Et la plupart de ces entreprises ou de ces expériences ont évolué vers une fonctionnalisation demandée par les propres ouvriers, c'est-à-dire d'être une entreprise d'État. Évidemment, autre chose que le Venezuela nous enseigne, c'est qu'on peut faire un très bon usage du déficit public et, comme le répétait le ministre Giordani il y a quelques mois, l'investissement social est la base de la croissance économique au Venezuela. C'est-à-dire, bon, en investissant sur des écoles, sur des routes, sur des hôpitaux, etc., la conséquence immédiate au Venezuela a été l'amélioration de la croissance économique, y compris et surtout la croissance économique non pétrolière. Je terminerai pour passer à une discussion entre nous sur le thème des relations internationales. Le Venezuela, évidemment, a été très critiqué, y compris par nous, pour ses relations avec des États comme la Biélorussie, l'Iran, la Syrie, etc. En réalité, je crois que la question est beaucoup plus complexe que ça. Et évidemment, il ne suffit pas, il n'y a aucune accointance idéologique entre Ahmadinejad et Chavez. Ça serait complètement de la folie que de prétendre faire porter aux Vénézuéliennes une burqa ou n'importe quoi s'en rapprochant. Donc là, c'est vraiment dans la construction d'un monde multipolaire. Et ce type de relations sont des relations tactiques, voire des relations stratégiques. Évidemment, ce ne sont pas des relations idéologiques. Je vais vous redonner la parole pour qu'on puisse discuter un peu sans empiéter sur la parole de ceux qui vont parler par la suite. Il me semble que Farid avait une question pour toi, donc je passe la parole à Farid. Salut Romain. Ça va Romain ? Ça va, très bien, très bien. Alors j'ai une question là qu'on m'a posée à l'oreillette. Est-ce qu'au Venezuela, on a fait la fête pour fêter la réélection de Chavez comme nous on a la fait ce soir ici là ? On fait encore la fête au Venezuela. Il faut falloir qu'on arrête de la faire puisqu'il vient les élections régionales en décembre. Faut pas la faire pendant 6 ans. C'était vraiment très magique. Il y avait beaucoup de tensions. Il faut bien voir que la campagne a été une campagne absolument, bon, de la part de la droite, une campagne très sale. Hein. Ils ont essayé de créer une image de centre-gauche à un candidat néolibéral pour utiliser une métaphore pour que les Français comprennent bien. Capriles Radonski, c'est l'héritier de Gaumont, ou l'équivalent de Gaumont au Venezuela. Il aurait commencé sa carrière dans un parti comme le RPR pour ensuite fonder un parti qui aurait pour équivalence démocratie libérale et une thèse de démocratie, de vision ultralibérale. Donc évidemment, c'est en rien un candidat de centre-gauche. Il faut savoir qu'il y a quelques mois, ils ont passé une alliance avec Carlos Slim, comme cela a été dénoncé par le syndicat des travailleurs des télécommunications mexicains, et que nous avons ici au Venezuela reçu à n'importe quelle heure du jour et de la nuit des appels d'employés mexicains pour critiquer la gestion d'Hugo Chavez, pour dire qu'Hugo Chavez allait mourir et que ça ne servait à rien de voter pour lui. Vous imaginez un peu l'ambiance. Donc évidemment, avant l'élection, c'était évidemment très tendu. Ça se voyait dans la rue, les gens étaient à fleur de peau. Pour un rien, ça partait en vrille, les gens s'insultaient, etc. Donc évidemment, la fête démocratique du dimanche dernier a été aussi un soulagement parce que les gens ont un peu exorcisé leur stress et évidemment, les chavistes ont fait la fête une fois, deux fois, trois fois et plus. Et d'ailleurs, démocratique et révolutionnaire. Bon, très bien. Je souhaite ne pas avoir le blues d'après élection, parce que tu as tourné le pays, je crois. Tu t'es beaucoup promené pendant la campagne. Et je veux te dire que pour les camarades français qui sont venus comme moi pour faire campagne, notre livre de chevet, c'était ton bouquin. Parce qu'il faut dire aux camarades qui sont là que Romain a écrit un livre sur le programme de Capriles, qui a été un best-seller. Moi, on m'a dit 165 000, mais c'était même avant le 7 octobre, et qui a permis de fournir des arguments, qui a été un élément un peu clé aussi des argumentaires de la campagne pour montrer le vrai visage de Capriles. Donc tu ne l'as pas écrit comme militant du Parti de gauche, tu l'as écrit comme sociologue français, mais ça a aussi été une contribution très importante dont on est fier ici en France à la victoire de Chavez au Venezuela. Et aux gens qui me demandaient pourquoi j'avais écrit ce livre, je leur ai dit que j'avais un double compromis. J'avais un compromis d'une part parce que je vis au Venezuela depuis 8 ans et que la politique que les Vénézuéliens ont choisie le 7 octobre m'aurait affecté dans ma vie quotidienne. Et je leur disais aussi que j'avais un autre compromis avec tous les camarades qui résistaient à l'ordre néolibéral en Europe. Parce que le programme de Capriles, c'est le programme de l'Union européenne. Ça, c'est y compris par moment, notamment par exemple sur la privatisation des services des aéroports, c'est absolument du copier-coller des programmes de l'Union européenne. Ouais. Donc oui, c'est le même programme. J'ai été très fier, évidemment, que de partager au-delà de la victoire de Chavez à un peu l'instauration des principes démocratiques, puisque la droite faisait campagne sans parler de son programme. Donc on les a amenés à revendiquer leur propre idée. Et c'est vrai que quand nous, on va faire campagne au Venezuela, comme Européens, c'est comme exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Donc j'espère que ça changera un jour en Europe et qu'on pourra donner des exemples de ce qu'il faut faire et pas simplement des erreurs à éviter. Merci beaucoup, hein, Romain, merci. On va continuer ici. On va un peu faire la fête aussi. Merci à toi et repose-toi, hein. Repose-toi quand même. Ciao. Non, ça va, sans problème. Bon, on est là pour faire la fête. Ah, ya sonan los tambores, esa negra se amaña. Ya sonale la caña, va gritando sus amores. Y la negra soledad, la que goza mi cumbia. Esa negra sabe mucho, ye caramba, con su pollera colorada, de aquí para allá y de allá para acá, mi negrita. Con su pollera colorada, mira cómo va y cómo camina, mi negrita. Con su pollera colorada, de aquí para allá y de allá para acá, mi negrita. Con su pollera colorada. ¡Baile, baile, zapata! Cuando le canto soledad, es que estoy yo contento, porque con su movimiento, inspiración ella me da. Ese color de canela y remo sabor a pimienta, como estoy de contento, y caramba, con su pollera colora, de aquí para allá y de allá para acá, mi negrita. Su pollera colora, mira cómo va y cómo camina, mi negrita. Con su pollera colora, de aquí para allá y de allá para acá, mi negrita. Con su pollera colora, vamos. Cuando le canto soledad, es que estoy yo contento, porque con su movimiento, inspiración ella me da. Negra color de canela, con ritmo sabor a pimienta, como estoy de contento, ye caramba, con su pollera colora, de aquí para allá, y de allá para acá, mi negrita, con su pollera colorada. Mira cómo va y cómo camina, mi negrita, con su pollera colorada. Con su pollera, con su pollera, con su pollera, con su pollera, con su pollera, ayer la vi bailando, con su pollera, ayer la vi cantando, con su pollera.